let go, come on. Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar, y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. On a encore un best-of du 6-9 avant de se quitter. Et pas des moindres, vu que c'est le célèbre désormais Game Song. C'est, vous le savez, un mot d'une chanson qui est remplacée par un cri d'animal. C'est franchement toujours très très drôle. Là, surtout Louane, vous allez entendre. Toute l'équipe du 6-9 que vous retrouvez d'ailleurs dans quelques minutes à peine, à partir de 6h. Juste le temps de s'écouter Slimane après ce best-of. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, évidemment, et puis aussi un excellent week-end. À lundi. Le 6-9. 6h-9h. Sur Énergie. On va jouer au Game Song avec Manuel. Manuel, Manu pour les intimes, qui travaille comme employé administratif pour une fiduciaire. Il se marie en juin avec Séverine. Gros bisous à Séverine. Il fait du foot depuis qu'il a 5 ans. Il aime aussi regarder l'émission TPMP. Et en ce moment, il regarde la série Riverdale sur Netflix. Ah, bien. Ouais. Très sympa. Salut Manuel. Bonjour l'équipe, salut tout le monde. Salut Manuel, sois le bienvenu, on va jouer au Game Song. Game Song, c'est ça. Et il fallait retrouver le mot. Bien, on. On s'aime, évidemment. Il a compris. Tu as bien compris les règles. C'est très simple. Il faut retrouver le mot qui est caché derrière ce bruitage d'animal. Tu as peut-être du cadeau pour toi à la clé, mon Manuel. Je te le souhaite en tout cas ce matin. On y va. Voici le premier extrait. Et il va être magique ce matin. Je te le dis, Manuel. C'est un bon Game Song. C'est parti. Premier extrait. Ah, il est pas mal. J'ai pas trouvé, moi. C'est vrai, t'as pas trouvé, mec. Ah, facile. Non, Manuel, pas trouvé non plus. Oh, bah dis donc, il est pour vous, tiens, ce matin, les fifous. Il est facile, c'est le nouveau Tadjou. Allez, vous avez trouvé, je suis sûr. Vous envoyez jeu plus la proposition du mot qu'on cherche. Voilà, de Dadjou, là, c'est le nouveau Dadjou. Vous avez la réponse. Jeu plus la réponse au 78. C'est un heureux message envoyé et reçu. C'est pas grave, Manuel, il reste encore deux extraits. Tout est possible pour toi de gagner ce matin. Celui-là, il va être magique. Je pense qu'il va être magique. Voici un petit Johnny Hallyday pour nous ce matin. C'est parti. Il a fini en beauté. Celui-là est facile. Ah ouais, Manuel, tu l'as. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Oui, en point. Et voir danser les diables et les dieux. Ah, elle est dedans. Bonne réponse, Manuel. Ça fait un point. Encore un et c'est gagné. Celui-là aussi devrait être facile. Enfin, j'espère. Voici Louane. Allez Manu. Je suis pas bien dans ma tête. J'ai perdu le goût de la fête. Regarde comme ta fille est faite. Je trouve pas de sens à ma quête. Oh là là. C'est quoi, il est magique. Il est con ce jeu quand même. Ah, il est con, mais j'adore. Game Song, je suis fan. Manuel, une idée? Maman. Maman, on vérifie. Je suis pas bien dans ma tête. Maman. Maman, j'adore. Et eh ben c'est gagné, Manuel, ce matin. Bravo. Bravo Manuel, cadeau pour toi. On va te laisser choisir entre 4 places de ciné. On a la dernière compil énergie ou alors notre enceinte Bluetooth waterproof du 6-9. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth. Eh ben on t'envoie ça à la maison, Manuel. Ok, super, merci. Avec grand plaisir, on te souhaite une très belle journée, Manuel. À bientôt. À vous aussi, bonne journée. Salut, salut. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Des jours avec et des jours sans. Luna, elle rêve de sentiments. Des jours soleil et des jours de pluie. Danse la nuit, elle danse, elle danse, elle danse, Luna. Elle chante, Luna. Oh la la la Luna, oh la la, oh la la la Luna, oh la la. La fée sans aile, regarde les mirages voler dans le ciel. Les nuits de rêve, elle se plaît à croire que sa vie changera sa vie. Alors elle danse, elle danse, elle danse, Luna. Elle chante, elle chante, elle chante, Luna. Imagine au père plus. C'est souvent quand ses larmes tombent qu'elle s'aperçoit qu'elle a perdu espoir. Mais elle se laisse croire qu'elle peut baisser les bras. Laisse-toi une chance, tu pourrais sortir du lot. S'il y a un jour meilleur, il y en aura peut-être d'autres. Ouais, il y en a peut-être d'autres. Et peut-être qu'il y en a peut-être trop. Des gens infiniment tristes avec une tête drôle. J'aimerais tellement te voir un peu plus souvent rire. Sache que si tu pars demain, je me demanderai ce que t'as infligé la vie, tout ça secret bien enterré. S'il y a paradis, pourquoi le ciel devant ses rêves? Tu manques de temps, le monde manque de tact. Et c'est un tombeau tant que la pluie sur ton sac. Pourtant, t'étais si belle, Luna. Pourtant, t'étais si belle. Vacances de rêve ou cuisine de rêve? Pourquoi choisir? Conditions exceptionnelles et chèque cadeau pour un séjour Center Parcs gratuit. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Offre soumise à condition. Il est 6h sur Énergie, bienvenue. And you're listening to Énergie. C'est vendredi, vendredi 23 novembre, bonjour. Bonjour. Il est 6h, oui je sais, j'ai fait une petite choré sur le générique. Et eh ben, vous savez quoi, on va faire une choré. T'es à la moitié du dab. Mais ouais mais c'est... allez, allez. Le mec, il fait des chorés à 6h du matin. Ouais, je note, hein, on va prendre en vidéo. Hein. Pour vous danser sur le générique, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Mais dansez pas comme Marco. Hein. Non, non, non, non, non. On est vendredi, les gars. Je vous le dis. Quelle est cette personne? Bonjour Tiffany. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Ça va bien? Oui, super. Bah, c'est vendredi, hein, on a la pêche. La pêche, la pêche, la pêche. Elle est surtout contente de ne pas bosser, c'est pour ça. Demain, c'est le week-end. Elle se dit, ah ouais, la pêche, la pêche. Eh bah ouais, mais t'as des cartons à vider, toi. Hein. Ah bah oui, oui, j'ai des cartons à vider. Oui, oui, je suis super excitée. Bah, c'est vendredi. Cette émission est géniale, il y a trois questions en même temps. Et donc, oui, j'irai aussi. Frisco est là ce matin, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Ça va bien? Bien, très bien, et toi? Oh, merveilleux. C'est vrai, comme le dit Tiffany, vendredi, moi, c'est... Oh, C'est dingue, hein. Je suis un nouvel homme. Jérém est là aussi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très très bien. Grand jour pour Jérém aujourd'hui. Pourquoi? PlayStation 4. PlayStation. Ouais. Il va arrêter de nous saouler, il va lancer. On y va à 9h30, hein. Ah, mais même à 9h05, on est là-bas, hein, je te le dis. Ouais, mais ça ouvre à 10h, donc ça sert à rien. Ah, oui, bah non. J'ai une évaluation avec le boss. À quelle heure? À 10h. Oui, bah tu. Oh, ouais, bah il attendra. Hein. Il y a des priorités dans la vie, on est d'accord. Ça va ou quoi? Ouais, on lui dira, il dit, ça te dérange pas, 10h30. Ok, ça va. Ouais, on verra. Au pire, on l'embarque avec nous, Mediamar. Ouais, mais on fait l'évaluation là-bas au magasin. Mais je pense qu'il a une autre réunion, en fait. J'ai entendu dire qu'il avait une réunion à 10h. Du coup, je pense que ton évaluation va passer à la trappe. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ton jeu, sinon on s'en fout. On s'en fout un peu. Il y a Yannick qui est là aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien, Yannick? Ouais, ça va super. Toi, ça va? Ouais, très bien. La météo, c'est ça, moi, qui m'intéresse pour aujourd'hui. Ouais, bah, quelques pluies, du brouillard et du givre, en tout cas ce matin. Ensuite, il y aura un petit peu de soleil en cours de journée. Il y aura quelle chaleur. En fin de journée, des nuages se feront un peu plus nombreux. Il fera un peu plus doux aujourd'hui. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés. Ah oui, oui, bah courage. Hein. Quelle courage. Chaleur, hein. Courage, ah, incroyable, mettez la crème solaire. Ouais, me mettre en t-shirt là. dans un petit instant, on va vous donner notre programme pour ce week-end avec le petit plaisir que vous allez vous faire ce week-end. Bon, Jérém, lui, c'est un plaisir anticipé, on sait déjà. Plaisir du vendredi. Oui, à mon avis. Mais c'est le week-end en même temps aujourd'hui. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, on en parle dans un petit instant. Il y a Calvin Harris qui va arriver côté DJ Snake aussi. Puis j'ai une petite interro, tiens, pour vous ce matin. N'avez pas été sage. Now they judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 6h05, attention bientôt 6. 6h06, l'heure des saucisses. DJ Snake. Oh là là. C'est pas 5 euros dans la cagnotte pour une mauvaise note. Je suis assez d'accord. Ah, merci. Voilà. DJ DJ Snake qui arrive avec Taki Taki dans un petit instant sur Energy. On démarre le week-end avec vous parce que bah oui, c'est vendredi, 6h06. C'est déjà le week-end, même pas la peine d'aller bosser. Hein. Ouais, on partait directement au week-end. Si, oui. Seulement on pouvait faire ça, ce serait génial. Ouais, t'arrives au boulot et puis tu fais eh, mais en fait, on est vendredi. Eh, mais je m'en fous en fait. Je pense que la bonne idée serait de couper le lundi matin et couper le vendredi après-midi. Oui, qu'on fasse une demi-journée le lundi et une demi-journée le vendredi. T'inquiète, c'est exactement ce qu'il vient de dire, c'est bah ça. Oui. Mais voilà. Bah, je suis tout à fait de ton avis. Ah, bah, c'est bien. Bah, félicitations, Tiffany. Un point pour Tiffany. Quand tu regardes sur les routes, c'est un peu ça qui se passe. Hein. C'est vrai. Quand tu regardes sur les routes, le lundi matin, ça va. Mais le vendredi après-midi, si tu pars vers 3h, c'est ah, voûté à mort. Hein. Ça va pas. Bah, non, mais tu vois que t'arrêtes à midi, quoi. Vendredi, t'arrêtes à midi et le lundi, tu commences l'après-midi. Bah ouais. C'est chouette. Je dis ça, je dis rien, cher gouvernement, mais tu peux. C'est une proposition sympathique. Hein, on va faire les gilets verts. Mais ça va arriver, hein, les gilets verts, pour le climat, évidemment. Et oui, très au courant de l'actualité, celui-là. Non, si vraiment, sincèrement, ça va arriver bientôt. Mais je sais plus les dates. Pour avoir des gilets verts. Et j'en sais rien, moi, tu leur poseras la question, ils vont les peindre, mais ça existe, je crois, les gilets verts. Il y a un business à se faire, les gars. Tout le monde a un gilet jaune dans la voiture, mais des gilets verts, on en a pas. C'est vrai. Tu fais des gilets marrons contre la constipation, là, tu vois. On va parler vite fait de notre week-end, notre programme avec le petit plaisir prévu pour ce week-end. Ça sera quoi pour toi, Frisco? Moi, écoute, je sais, pour le moment, ce que j'ai prévu, c'est un restaurant samedi soir, à 22h. Super. Ouais, tu manges à 22h. À l'espagnol ou quoi? C'est un truc à tapas? Non, mais en fait, le truc, c'est que je vais sûrement voir mon frère jouer au foot. Et après, en fait, son club a ouvert un restaurant. Et du coup, on va manger après dans le restaurant là-bas. Bah surtout qu'à cette heure-là, tu digères mal et puis tu dors mal. Ouais, mamie, tu vas te calmer. Ouais, c'est ça. Le week-end, je dors pas à 10h. C'est les conseils de Tiffany. Mais voilà, donc voilà. Allez, c'est cool. Ce que j'ai prévu. Et à mon avis, un peu de PlayStation. Un peu beaucoup. Tiffany du Standard, quel est le programme pour ce week-end? Eh ben moi, je sais qu'on a un anniversaire ce samedi soir. Donc oui, on va aussi manger tard, mais on ne dort pas à 22h. Attention, parce que quand tu manges tard, c'est difficile à digérer alors que tu dors pas bien. Non, mais voilà, un anniversaire. Et puis dimanche, à mon avis, glandouille, quoi. Et les caisses, c'est déjà fini ou quoi? Ah ben non, mais on attend une personne dans la famille qui fait des études d'architecte et donc elle va venir voir l'appartement pour aller la déco d'intérieur quoi. Donc on n'a pas encore monté les meubles. Tu loues hein, tu l'as pas acheté hein. Non, je sais bien, mais bon. Non, mais c'est pour savoir où est-ce qu'elle va ranger ses caisses. Parce que les meubles. T'as besoin d'une architecte pour ça? Non, mais j'ai une grande bibliothèque, mais la bibliothèque ne va pas dans le salon, salle à manger. Parce qu'en fait, on a acheté une lampe, mais du coup, tout dénote par rapport à cette lampe. Et donc, ça fait un peu micmac. Et alors, on n'a pas envie. Oh là là là là là là. C'était le moment. Tiffany, j'ai pas. Non, mais sans déconner, je plains son mec. Ah, mais c'est pas moi, c'est lui. Elle balance. Chouette week-end. Jérém, c'est quoi le programme? Bah, sûrement allumer la PlayStation que j'aurais acheté aujourd'hui. Oser devant ta nana? Non, je vais attendre qu'elle ait quelque chose parce qu'elle a quelque chose de prévu. C'est vrai? Ouais. Ah, ça l'arrange bien lui. Il est bien. Ah, il est bien. Et samedi soir, entraînement avec les potes. Entraînement de tennis, hein, pas de PlayStation. Ah ouais, oui. Très très bien. Bon, et toi, petit week-end Paris, je dois aller voir ma marraine. Ouh, c'est 40 ans. Oh, ça va être chouette, toi. Arrête. Gilets jaunes. Moi, j'ai été bloqué hier. C'est vrai? Ouais, j'ai été dans le Hainaut et on a été bloqué. On a dû passer par les petites routes de campagne plutôt que passer par l'autoroute. On a mis 1h30 pour revenir. Ah, je te dis pas passer par les petites routes de campagne pour aller à Paris. Bah tu ouais. Hein. Mais même, je suis sûr qu'il y en aura encore, c'est encore pire. Ah ouais. Et samedi, ils comptent tous être à Paris en plus. Donc, je choisis mon jour. Prends le train. Mais c'est ce qu'on se dit avec ma dada. Mais bon, elle a peur après de prendre les transports. Ah, je te jure, je suis avec une cucuf, je suis pas. Ah ouais, non. Allez, ça va aller, sois fort. Oui, bien courage. Sûr. Je vais la laisser gare de Lyon, je vais me barrer, moi. Je tu la laisses avec Tiffany? Ah oui. Oh, tiens, super. Comment je vais la récupérer? C'est ça la question. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bébé. Taqui taqui, taqui taqui rum. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca está Jenny. Llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale.

À l'occasion du Black Friday, Ici par XL vous offre 15% de réduction sur tout l'assortiment. Uniquement aujourd'hui, aussi sur iciparxl.be. Ici par XL, tellement toi. Salut voisine, alors ça y est, les travaux commencent ? Oui, on fait isoler le toit. Le service public de Wallonie nous a donné un tas d'excellents conseils. Maintenant, on fonce. Mais comment tu as obtenu toutes ces infos ? Tu as le choix, en ligne sur wallonie.be ou via les 10 espaces Wallonie pour un accompagnement personnalisé. Il y a aussi le numéro gratuit, le 1718. Ok ! Tu peux aussi t'abonner à Vivre la Wallonie et suivre les actus, les événements, découvrir des dossiers, des concours. Merci voisine. Et bravo ! Logement, énergie, fiscalité, mobilité, le service public de Wallonie est là pour vous. Parcourez wallonie.be. C'est le Black Friday chez IKEA. Et comme il y a toujours beaucoup de monde pendant le Black Friday, nous allons aussi faire le Black Thursday, Saturday, Sunday et Monday. Les Black Friday Deals, c'est jusqu'à 70% de réduction du 22 au 26 novembre. IKEA. Le nouveau Lady Gaga avec Bradley Cooper, ça arrive tout de suite. On va se faire une petite interro dans un instant. Vous allez voir, c'est facile. C'est une petite question de culture générale. Voilà, c'est sympa. Lady Gaga, ça arrive. Et un point sur les routes ce matin, Yannick. Mais oui, les conditions de conduite sont difficiles sur la N6 de Mons à la frontière française. Un accident également sur la N4 de Wavre à Jeanblou. Autre accident, la voie de droite est bloquée sur la A602 de Longsin à Laveu. Et enfin, la voie de gauche est bloquée sur la E25 de Neuchâtel à Liège. Voilà, Tiffany, Frisco, vous avez de quoi débattre, par où il faut passer, le rond-point ou pas. Enfin, je vous laisse parler de tout merci, ça. Merci, c'est gentil. Allez-y, et veux. Donc, en fait, tu dois... 30 sur Énergie. Bon réveil avec nous. C'est une excellente nouvelle, c'est le générique de fin, Hakuna Matata, pour ceux qui sont là jusqu'à 9h. On et met du début aussi. Et du Hakuna Matata ? Non. Ouais. C'est le générique du début, du film. Mais non. Ah, non, c'est celui-là du début. Ça, c'est le générique du début. Ça. Ouais, c'est et voilà. Non, mais j'ai Hakuna Matata, générique de fin de nous, du 6-9. Pardon. Excuse-moi. Oh, le mec, il est encore endormi. Aïe. Et alors, la bonne nouvelle, pourquoi je vous mets ça ? On vient de voir avec Frisco. Ouais. Le Roi Lion va sortir en 2019 en film. Non, mais oui, en truc 3D, etc. Honnêtement, il est super bien foutu. Ça a l'air d'être topissime. La première bande annonce est sortie. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin, je vous le dis. Une petite interro, les amis, pour vous réveiller, pour vous mettre bien. Et puis voilà, vous allez peut-être apprendre des trucs aussi ce matin. Ouais. C'est maintenant qu'on doit chauffer les neurones. C'est maintenant qu'il faut mettre en route les neurones, surtout. Ed Sheeran qui va arriver côté juste après avec Happier. Et là, c'est parti, interro. Vous donnez votre prénom avant de donner la réponse, évidemment. Ok. Quel est le nom de la sculpture la plus connue de Rodin ? Frisco. Le penseur. Oh là là là là, il est énervant. Hein. Mais t'as même pas dit Rodin qui avait déjà bonne dit réponse. Frisco, lui. Bah ouais, j'aurais bien c'est voulu. La seule sculpture que je connais. Tu sais quoi ? La prochaine fois, je m'arrête, je finis pas la question. Mais si t'as dit Rodin, j'ai dit Frisco juste après, en même temps ? Je te jure. Combien Bruxelles compte d'habitants ? Jérém ! Elle m'a fait posséder. Non, mais je me suis dit que j'allais faire comme Frisco, donner mon nom avant la fin de la question, comme ça j'avais le temps de réfléchir. Alors, mais oh, tricheuse ! Allez, vas-y, je t'écoute. Ça compte. J'ai peur d'avoir l'air bête. Vas-y. 5 000. Ah, 5 000 habitants ! Mais oui, mais toi, non, mais toi, t'es 5 000. Ma mère, c'est une pépite, cette meuf. Ouais, et quand il y a un concert à la baie de Bruxelles, tout Bruxelles est dedans. 5 000 personnes, c'est ce que c'est ? Non. Non, mais trop tard maintenant. Non, mais c'est énorme, 5 000. Mais oui, c'est pas beaucoup, je sais, mais j'avais pas la réponse. C'est même pas un village, je te jure. Jérém. 1 million. 1 million 200 000. Aïe, d'accord, je prends. 1 191 000. J'ai pas dit 5 000, moi. Pas la réponse, mais je voulais donner mon nom avant. Ça va. Ouais, bah, tu fais plus 7, on ne triche pas dans cette émission. De quel pays est originaire le bouddhisme ? Jérém. Frisco. Jérém. Allez, L'Inde. Bonne réponse. Ah oui. Yes. 2 points et je toque. Quel est le premier long métrage d'animation des studios Disney ? Frisco. Tiffany. Allez. Ah ben non, c'est Pixar. Frisco. Genre, elle a une réponse. Allez, je t'écoute. Ça, c'est le duel, c'est pas rien à voir. C'est quoi ? C'était quoi que t'allais dire ? De Disney ? Ouais, mais non, vas-y, dis Pixar là. Vas-y, dis. Ah bah, pour moi, c'était Nemo de Pixar. Nemo, la blanche, comment elle s'appelle ? La Reine des Neiges aussi, libérée des livres. C'est tout nous. C'est oh, c'est vieux, ça, c'est le premier. Nemo, c'est pas Pixar. Qu'est-ce que tu racontes ? Taisez-vous, Frisco. Mickey Mouse. C'est pas Mickey Mouse. Jérém. Le long métrage, tu as dit. Le premier long métrage d'animation des studios Disney. Blanche-Neige et les 7 nains. Bonne réponse. Merci pour la danse. J'appuie sur tous les boutons. C'est bien Blanche-Neige et les 7 nains. Premier film de Disney. Quel est le nom du théorème suivant ? Dans un triangle rectangle. Tiffany. Frisco. Tiffany. Pythagore. C'est le théorème de Pythagore. On a combien de points ? C'est 3 points pour Jérém, 1 point pour Tiffany, 1 point pour moi. Oui, bah vous n'arriverez jamais à la rattraper. C'est une victoire de Jérém. Félicitations, monsieur Jérém. Merci. Le théorème de Pythagore. Pythagore. Alors vous prenez tout droit à droite. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. It personal, baby. If you're moving on with told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But darling, I am still in love with you. But I guess you look told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Bon réveil avec nous sur Énergie, 6h27. Dans un petit instant, c'est Z qui va arriver avec Happy Now. On va se faire un mot gagnant à 6h35. Le mot gagnant, je vous rappelle la règle très simple, 20 secondes. Vous allez pouvoir donner tout un tas de mots qui vous viennent par la tête, démarrant par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose. Un mot en commun entre vous deux. Et paf, c'est le mot gagnant et vous gagnez du cadeau. On va jouer à ça dans un instant. Je vais vous expliquer aussi le beau cadeau qu'on va vous offrir la semaine prochaine. Ça parle de vacances. Un montant de 2000 euros. Ça va être pas mal. Mettez les deux ensemble, vous avez compris. On vous explique ça dans quelques secondes. Z qui va arriver côté IT, Klingande aussi avec Broken Back. Chez Léonidas, on trouve des Saint-Nicolas en chocolat. Chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et déjà à partir d'un euro 60. Léonidas, la boîte à bonheur. Dans un petit instant, Z qui va arriver côté hit. Avant ça, voici la météo. Quelques pluies, du brouillard et du givre sur la route ce matin. Ensuite, nous profiterons d'éclaircies en cours de journée et d'un temps sec. En fin de journée, des nuages se feront un petit peu plus nombreux. Il fera plus doux aujourd'hui. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés. 6h30, on s'informe. L'actu de ce vendredi 23 novembre. Et c'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco et bonjour à tous. L'entreprise VOO a été victime d'une vaste fraude. Le préjudice est estimé à 4 millions d'euros. Une enquête interne est en cours au sein de l'entreprise de télécom. La fraude porterait sur un système de surfacturation de prestations d'un sous-traitant mis en place il y a 4 ans. Une dizaine de personnes seraient suspectées en interne. Les dirigeants de Netis comptent déposer plainte dès ce vendredi auprès de la justice. VOO dépend de Netis, filiale de Publifine. La police a procédé au cours des deux nuits passées à 53 arrestations à la suite de troubles commis dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Parmi ces arrestations, 24 étaient de nature judiciaire pour des infractions telles que vol, actes de violence ou utilisation d'armes. Une partie de ces personnes arrêtées était déjà connue des services de police. Par ailleurs, le dispositif établi autour du dépôt à feu, lui, a été levé dans la nuit mais n'est pas démantelé pour autant. Les négociations sur le plan de restructuration des éditions de l'Avenir ont été rompues hier soir. Les permanents syndicaux ont déposé un préavis de grève. La délégation syndicale refuse tout licenciement et refuse également que la direction choisisse les bénéficiaires de la prépension. La phase d'information se poursuit et une assemblée du personnel est programmée aujourd'hui à 14h. L'endettement recule en Belgique. Selon les dernières données de la Banque nationale, le nombre de personnes admises à la procédure en règlement de dette a diminué en ce qui concerne l'année 2017 et le montant de leur impayé diminue en moyenne de 570 euros. Selon la Banque nationale, ces résultats sont dus en partie à une amélioration de la conjoncture économique et au recul du chômage. Enfin, en football, lors d'une interview pour le site de Manchester United, Marouane Fellaini révèle qu'il a refusé lui-même la sélection avec les Diables Rouges. Le joueur voulait faire l'impasse sur l'équipe nationale pour travailler à sa revalidation en vue des prochains matchs de son club. Le 6-9 sur Énergie. Enfin une crèche qui a de la gueule. On peut garder vos enfants, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, on les prend, on est là. C'est la crèche du 6-9. Ouais, exactement. 6h32, bonjour. Bonjour. Ouais, j'espère que ça va bien les fifous ce matin. C'est vendredi, on démarre ce week-end tous ensemble dans la bonne humeur avec Klingan des Broken Back. Z aussi qui arrive, venez nous rejoindre tiens sur Instagram. Ouais. On vous attend, en plus si on arrive à 10 000, on fera la prochaine émission en nuit Z. Les prochaines émissions sont vendredi prochain. Ouais. Les fifous du 6-9 sur Énergie. Won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, the wash and the weight of your pockets so deep. Sur Énergie, Klingan des Broken Back. Ah, ils seront là tiens d'ailleurs les deux, le 6 décembre prochain, à l'occasion d'un After Work Energy. Ils vont venir ici dans les studios. Petite interview, et puis surtout après, ils vont mixer. Mix exclusif de King and Day et Broken Back le 6 décembre. Vous avez envie d'être de la partie, venir ici pour venir faire un petit After Work avec nous. Quoi. On boit un petit coup, et puis ouais, voilà, on regarde King and Day et Broken Back. Vous envoyez les trois lettres NRJ par SMS au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. NRJ au 78. Et pour vous, du cadeau, je l'espère. Enfin, du cadeau. King and Day surtout et Broken Back le 6 décembre ici dans les studios. 6h35, on joue, on est à l'heure. C'est génial ça. Waouh, on a perdu l'habitude. On va jouer avec qui ce matin? Avec Antonino. Nino pour les intimes, qui travaille comme assistant maître d'hôtel dans un restaurant étoilé du côté de Bruxelles. Il est marié, il a une petite fille de 4 mois qui s'appelle Maria Olivia. Il adore le foot et il est fan du Milan AC en Italie. Et il aime bien regarder l'émission TPMP. Sa musique du moment, c'est Longtemps de Amir. C'est dingue, elle cartonne cette chanson. Beaucoup l'aiment bien, c'est incroyable. Bonjour Nino. Bonjour les fichous. Bonjour. On va t'appeler Nino, ça te dérange pas, hein? On est intime. Non, ça me dérange pas. On est intime entre nous. C'est vrai. Nino, seul bienvenue ce matin dans le 6-9. On va jouer avec toi au mot gagnant. Le concept est très simple. Je vais mettre en route un chrono de 20 secondes. Je vais te donner une lettre de l'alphabet et tu pourras me donner tous les mots qui te passent par la tête, qui démarrent par cette lettre. On les note pendant 20 secondes. Quelqu'un de l'équipe sortira du studio pendant ce temps-là, reviendra après, fera la même chose que toi, avec la même lettre. Un mot en commun, c'est-à-dire le même mot pour les deux. Bam, c'est le mot gagnant et tu repars avec du cadeau. Ouais. Rien de plus simple. C'est plutôt simple. Nino, tu peux même choisir avec qui tu veux jouer. Il y a Tiffany au standard, il y a Jérém, il y a Frisco. Frisco. Ah, il est content. C'est la deuxième fois. Hein. T'es pas mal. Allez, mon Frisco, tu peux quitter le studio, ferme la porte. C'est peut-être parce qu'il a un côté italien. Mais il a un côté italien, Frisco, ouais, évidemment. Sais. C'est pour ça que je le dis. Et moi, je veux dire, pas plus italien que moi qui dis. N'importe quoi. Ok, Nino, Frisco est sorti, il a bouché les oreilles. On y va, 20 Allez. Secondes, avec ce matin, la lettre... K, tiens, la lettre K. Comme karaté. On y va, c'est parti, 20 secondes. D'ailleurs, tu peux prendre le premier mot, karaté, je te l'offre et les cadeaux. C'est parti. Karaté, kimono, kiwi. Ouais, c'est pas ça, c'est ça. Kayak, du kayak. Ah oui, kayak. Kayak. Karaté. Comment? On n'a pas entendu. C'était le dernier, Nino. C'était quoi le dernier? Karatéka. Ah oui, d'accord. Okay. Attends, je réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avec un K? C'est vrai qu'il n'est pas facile. King Kong. King Kong, ouais, vas-y. Et Karine. Kaki. D'accord, très bien. Il rajoute Kaki. Ouais, on est gentil, on rajoute trois mots, ça va ou quoi? Allez, Frisco. C'est gentil. Frisco revient, mais c'est vrai qu'il n'est pas très facile cette lettre. Non. J'avoue. Mon frifri, mon six, mon coco. C'était dur, hein. On y va, 20 secondes, ouais. Mon Frisco, avec la lettre K. K? La lettre K, mon Frisco. Kaki, koala, kangourou. Ouais, c'est bon. Ouais, bah voilà, c'est bon, on va s'arrêter là, hein, et on peut dire merci à nous. Hein. Ouais. Pourquoi? Kaki, mais ouais, mais moi j'en avais. À part ça. Mais ouais, c'est vrai, à part ça, franchement. T'en avais pas d'autres? Non. Karaté? Ah ouais, mais non, je l'avais pas. Kiwi? Je l'avais pas non plus, j'aime pas le kiwi. Kayak? Non, j'ai eu une mauvaise expérience en kayak, je l'avais pas non plus. Le gars, il élimine tous les mots, il a des mauvaises expériences. Ouais, c'est abusé. Ça me fait plaisir en tout cas. C'est pas Antonio, c'est Antonino. Antonino. J'ai gagné ce matin, cadeau pour toi, bravo. Ouais. Ben oui, tu peux choisir enceinte Bluetooth, 4 places de ciné ou alors notre. La dernière compilation énergie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Anthony? Les 4 places de ciné. Eh ben, on t'envoie ça chez toi, Nino. Passe une belle journée. À bientôt dans le 6-9. Merci. Bisous, Nino. Bonne journée à toi aussi. Bonne journée aussi à vous, les fifous. Voici Klingon et Broken Back. 6h39. Bon réveil. Somewhere high together now, till the eastern colors. Love is undercover. Shy, we ride to the north and to the south, to the west and wonders. Burning all desires, tell me, should we go somewhere high together now? 6h42, c'est Lizzo qu'on va avoir côté hit. Bon, ça. 1 2 plus 2. Ah, c'est énorme, ça va arriver dans un petit instant. Hey. Et du beau cadeau la semaine prochaine pour vous. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. 2000 euros de vacances, c'est ce qu'on va vous offrir la semaine prochaine, les fifous. À partir de lundi, vous allez pouvoir repartir avec ça. Très bien. Très sympa. Ah ouais, ça va être chouette. Franchement, montagne ou la plage, vous allez pouvoir choisir la destination, comme d'hab. Et 2000 euros de vacances pour vous. On va voir si Tiffany a bien fait son travail. Quel est le mot code qu'il va falloir envoyer? Vacances. T'es sûr? Non. Ah, j'adore, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Eh ben, vous voulez savoir ce qu'il faudra envoyer? Eh ben, restez branchés, puis ce sera à partir de lundi, les copains. Ouais, ouais. Lundi, dès 6h, 2000 euros de vacances pour vous. Soyez à l'écoute. Lizzo, dans un petit instant, on va parler aussi des inventions qui ont été faites, mais sans faire exprès. Il y a des trucs qui ont été inventés sans faire exprès. Il y a des trucs qui ont été inventés, mais genre, oh, oups! Ah, mais ça fait du choc à pique, c'est très bien. Oh, génial! On parle de ça dans un instant, le top 10 des inventions sans faire exprès après Lizzo sur Énergie. Bienvenue. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I guess you look happier. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Voisin. Salut, bon pipi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma, pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein? On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. C'est Black Friday chez Planète Parfum. Minimum moins 23% sur tout l'assortiment dès le 23 novembre et tout le week-end. Planète Parfum, fan de beauté. Aussi sur planeteparfum.com. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Oui, petit message pour ma voisine qui écoute la radio. C'est pour lui dire merci de ne pas dire à ma femme que ce 23 novembre, c'est Black Friday chez Manier et Luxus. Ils font moins 20% sur toutes les chaussures, donc pas besoin qu'elle la prenne. Chérie, je t'entends à la radio. Ah zut, et en plus, ils prolongent tout le week-end. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux? Conditions sur manierluxus.be. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Dites, c'est déjà vendredi? À votre avis? Bah, je sais pas trop. Eh oui, on est bien vendredi. Ah, donc c'est le Black Friday. Bon, je prends ma veste et je suis parti, hein. Ou vous pouvez surfer sur vandenborg.be. Ah, le Black Friday, c'est aussi sur le net? Oui, les prix encore plus bas, c'est en magasin et aussi sur vandenborg.be. Allez, merci, dit. De rien. Black Friday chez Vandenborg, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, des prix encore plus bas. Allez voir sur cdejavendredi.be. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Peugeot présente le Winter Drive. Attendre une promotion. Attendre qu'elle vous rappelle. Allô ? Attendre avant d'ouvrir. Waouh ! Attendre le bon moment. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Pendant le Peugeot Winter Drive, profitez d'offres exclusives sur nos véhicules hyper équipés. Et du 20 au 26 novembre, durant le Black Friday, recevez jusqu'à 1000 euros d'avantages supplémentaires sur nos véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus et rendez-vous vite sur Peugeot.be. Offre soumise à condition. Ce moment où tu sembles nier quelqu'un dans la rue. Hey, tu me reconnais pas ou quoi? Et ce moment où ta meilleure amie veut essayer tes lunettes. Hey, mais je vois beaucoup mieux. Bah, alors va chez Pearl, tiens. En ce moment, chez Pearl, 3 paires de lunettes pour le prix d'une. Achetez-en une, recevez-en une entièrement gratuite et offrez-en une en cadeau. Conditions sur pearl.be. Aldi et ce que certains en disent. Il y a des bons vivants qui prétendent les vins chez Aldi, ils sont trop bon marché pour être bons. Ce n'est pas vrai. Les sommeliers de Aldi mettent toute leur expertise à sélectionner de bons vins, abordables, mais sans compromis sur la qualité. C'est ce qui vient encore d'être confirmé par les critiques, les concours et les tests gustatifs. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, goûtez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci Saint-Nicolas. Jouet Brose, fournisseur de bonheur. Le top 10 des inventions qui ont été faites sans faire exprès. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a des trucs qu'on a chez nous, qu'on utilise tous les jours, qui ont été inventés comme ça, pouf, comme les Choukapic. Lizzo, ça arrive dans un petit instant. Et un point sur les routes ce matin, Yannick. Les conditions sont difficiles sur la N6 de Mons à la frontière française. Un accident sur la N4 de Wavre à Gembloux. Autre accident, la voie de droite est bloquée sur la A602 de Loncin à Laveu. Et enfin, la voie de gauche est bloquée sur la E25 de Neuchâteau à Liège. What you say, boy? You tryna play coy like a Game Boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Sur Énergie, bonne matinée avec nous. Bon vendredi, c'est le week-end qui démarre avec le 6-9, les Fifou et la Zara Larsson qui va arriver dans un petit instant. Et je vais vous donner un petit top 10 des inventions. Des inventions un peu accidentelles, tu vois. Les mecs, ils ont inventé ça, mais alors derrière, ils t'ont fait une fortunasse. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Ah bah là, bah, il a même très bien fait les choses. Alors, le cornflakes, par exemple. Allez. Cornflakes, invité par tout hasard. C'est quand invité même... Inventé, pardon. C'est quand même l'incontournable du petit déjeuner. Ça a été inventé par hasard en 1984. Et en fait, à la base, ils voulaient faire du muesli. Je sais pas ce que c'est du muesli. Ah, mais si, c'est muesli. Ça s'appelle muesli. Ah, ok. Il y a des petits déj aussi, ça existe encore maintenant. Hein. C'est des flocons d'avoine, je pense, ouais. Ah, ok. Alors, il avait oublié de mettre le blé, en fait, et ça a fini par sécher. Et il a décidé quand même de presser les grains. Et paf, ça a fait des cornflakes. Purée, terrible. Allez, dingue. Incroyable, hein. Ouais. Mais c'est chouette. La super glue, très utile, très pratique, inventée 1942. C'était un scientifique qui cherchait en fait un matériau adapté pour créer des viseurs en plastique transparents pour les armes à feu. Allez, un truc transparent. Ouais. Et en fait, il a trouvé par hasard une substance qui s'appelait la cyanocritolate. Enfin bref, un truc bizarre. Et en fait, c'est un truc très gluant qui collait à presque tout et n'importe quoi. Et bah forcément, voilà, il a mélangé les deux. Et je vous laisse imaginer ce que ça a fait. Ça arrivait tard. Hein. T'as dit 1900. 1942. Ouais. La glu, hein. Pardon, là, l'équipe veut tousser discrètement, mais ça s'entend absolument pas. 1980, c'est là où c'est les ventes de glu ont cartonné et ça a atteint les 100 millions de dollars américains par an. Incroyable. Ouais, c'est ouf. Ben, c'est ouf. Qu'est-ce qu'ils font les Américains avec la colle? Ah bah tout mec, la glu même nous, enfin excuse-moi, c'est la base de la vie. C'est la vie, ouais c'est ça. Lui il a fait sa cuisine à la super glu. Hein. les notes post-it. Les post-it. Les post-it, ça a été inventé vraiment par le pur hasard. C'était en 1968. Pff, je suis étonné, je pensais que c'était plus vieux. Et en fait, il a cherché à mettre au point une colle ultra forte pour 3M. Vous voyez, la compagnie hein, qui existe toujours d'ailleurs, cette marque 3M. Et à la place, en fait, il a inventé une colle réutilisable, qui était sensible à la pression et avec un faible pouvoir adhésif. Marrant, ça. Donc ça a créé le post-it quoi. Voilà. Et en fait, la couleur jaune, comment c'est arrivé? Bah, c'est l'équipe qui travaillait sur le projet qui avait du papier brouillon jaune. Ah, ouais, ils ont fait des tests avec du papier brouillon jaune et ils se sont dit. C'est pour ça que les post-it sont jaunes la plupart du temps. Et ils se sont dit, c'est pas mal, ça a de la tronche, tiens, c'est pas mal comme ça. Ah, c'est chouette. Et c'est resté. Le Nutella, les gars. Non. 1946, le Nutella inventé par le pur hasard, exactement. Arrête. Ouais, mais quelle bonne nouvelle. À l'époque, en fait, les fèves de cacao coûtaient une fortune et les réserves étaient très limitées. Donc, pour contourner le problème, Ferrero a truffé sa recette de noisettes. C'était un produit bon marché à l'époque et puis qui était disponible en abondance. Et du coup, ça a fait le Nutella. Sauf qu'aujourd'hui, le Nutella, le mec, il vend un pot de Nutella est vendu toutes les 2,5 secondes dans le monde. Non, là, un pot. Attends, un pot. Un pot. Ne dites pas le mot impôt parce qu'il y a des gens qui ils ont le poil qui se lèche. C'est ça. Ouais, c'est quoi ça, les gilets jaunes? Qu'est-ce que j'ai noté? Le Botox, par exemple. La toxique du Botox. Première fois, c'était en 1977. Incroyable. Et c'était en fait pour traiter des troubles musculaires des yeux. Et de là, les mecs se sont rendus compte que ça pouvait tirer la peau et te donner la tête de Geneviève de Fontenay. Donc, ils se sont dit on va le garder. Le slinky, ouais, c'est quoi ou pas? Non. Les petits ressorts en métal. Il y en a partout. Le jeu là que tu mets d'une main à l'autre et qui fait et ça le ressort quoi. C'est je sais plus comment on appelait ça. Si, le jouet pour enfants. Ah c'est un jouet qui descend les escaliers là. Oui voilà c'est ça le ressort. Sauf que c'est pas ça là, c'est le ressort tout court. Mais non mais c'est pas grave, on a tu fais vite, t'es contente. Inventé en 1943 et c'est un ingénieur naval en fait qui travaillait sur un système de ressort de traction pour stabiliser les objets à bord des bateaux, tu vois, c'est vrai que quand ça part en mer et tout, c'est un peu le bazar. Et puis un jour, il y a un ressort qui a glissé des mains de l'ingénieur. Et il a été émerveillé puisqu'il l'a vu traverser la pièce, tu sais, en rebondissant. Et donc, tu avais raison, c'était bien le ressort, le joujou. Voilà, et vous moquiez, hein, mais j'avais raison. Et ce truc a cartonné dans les années 90, 2000. On avait tout ça, le petit ressort, là, on le faisait descendre les escaliers. Je donnais un nom carrément à mon ressort, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était mon petit animal de compagnie qui me suivait. Embarquez-le, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et enfin, on finit avec le téflon. Hyper utilisé le téflon, vous voyez ou pas c'est quoi? Pour la cuisine. Pour la cuisine, dans les casseroles. Les casseroles, etc. Évidemment. C'est conducteur de chaleur, ça. C'est protecteur sur ces. Ça a plein de vertus. Et ben il faut savoir que c'est un chimiste en fait qui travaillait chez Dupont et il essayait de créer un nouveau réfrigérateur et il a utilisé donc du tétrafluo, je sais pas trop quoi là, sous forme de gaz. Et en fait il a regardé, il fait c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Il a remarqué en fait que ça faisait un truc parce que là ça c'est très scientifique hein, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais en gros le gaz s'est solidifié en espèce de truc polymère machin et ça a composé le téflon. Et là il s'est dit, c'est incroyable ça. On va appeler ça le téflon, je vais le breveter, je vais me faire plein de thunes. Et il a déposé ça en 1945 et depuis je vous laisse imaginer tout ce qui a été fait quoi. Le mec a des pépettes partout. C'est une mine d'or, hein, ça rapporte une fortune aux grands groupes industriels. Et alors lui, c'est jackpot pour lui, je vous le dis, hein, vraiment. Ah bah quand tu vois le prix d'une casserole. Ouais, c'est incroyable. Et ben voilà, ce sont des inventions qui ont été faites comme ça par le pur hasard. Un petit peu comme Tiffany, c'est pas que tu as. C'est un pur hasard. Mais la bolognaise aussi, c'est un pur hasard. Hein. C'est C'était de base pour mettre tous les restes. Et ça a été fait, enfin, c'était quelque chose de bon quoi. Et même ça, t'arrives pas à faire. Mais dis... Avec tous les restes, t'arrives pas à faire. Et le 6-9 aussi est une invention par le pur hasard. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, on espère que ça va cartonner. Ça sent... That's all it was. 7h58 sur Énergie. Bon réveil avec nous. Dinoro qui va arriver côté. Dans un petit instant, c'est la chasse au pipo. La chasse au pipo. On fait chacun va dire une phrase et on va devoir juste tout simplement dire si c'est un pipeau ou si c'est une vérité. Ouais. On fait ça dans un petit instant, ça va être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nous aussi sur Énergie. Bougez pas. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main. Collect and go. Ah, comme c'est loin le temps où je stressais dans les files pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect and go, le service de course en ligne de Colruyt Group. Il est 7h, bonjour. And you're listening to Énergie. Black Friday. Commandez vos offres Black Friday sur Krefeld.be avant 22h30, livrez chez vous le lendemain. Krefeld. Les meilleurs prix, service compris. On a une petite surprise pour vous, je vous explique ça dans un petit instant. 10 euros qui va arriver côté hit et puis les infos qui arrivent et là voici la météo. Quelques pluies, du brouillard et du givre sur les routes ce matin. Ensuite, nous profiterons d'éclaircies en cours de journée et d'un temps sec. En fin de journée, les nuages se feront un petit peu plus nombreux. Il fera plus doux. Aujourd'hui, les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés. On s'informe là-dessus de ce vendredi 23 novembre, c'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco et bonjour à tous. Le dispositif établi autour du dépôt à Feluy a été levé dans la nuit mais n'est pas démantelé pour autant. L'autoroute a été rouverte peu après 2h du matin. Les 350 policiers restent mobilisés à tout instant pour poursuivre le dispositif en cas de besoin. 45 ados débarquent chaque semaine aux urgences pour abus d'alcool. Jamais on a compté autant de jeunes en situation d'urgence pour abus d'alcool en Belgique. Le Conseil supérieur de la santé recommande de fixer la limite d'interdiction de tout alcool à 18 ans. Selon le conseil, les nouveaux chiffres sur l'abus d'alcool montrent que la sensibilisation à elle ne suffit pas. Une véritable politique anti-alcool auprès des jeunes, doit d'urgence être mise en œuvre, toujours selon le Conseil supérieur de la santé. Hier à Louvain-la-Neuve, plusieurs associations qui luttent contre les violences faites aux femmes se sont rendues sur la place à l'UCL. Le message de cette action était simple, dénoncer le silence qui entoure encore trop souvent les violences sexistes. Les participants ont été invités à s'exprimer sur une petite banderole qui sera utilisée pour un rassemblement prévu à Bruxelles dimanche. D'ailleurs, ce jour-là, dans la capitale, des rubans blancs seront distribués dans les rues. À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, la commune invite son personnel et ses habitants à porter ce petit ruban blanc. Les autorités espagnoles ont annoncé avoir secouru jeudi 778 migrants présents à bord de nombreux canaux dans l'ouest de la Méditerranée. Depuis le début de l'été, l'Espagne est la principale porte d'entrée par voie maritime en Europe de migrants clandestins devant la Grèce et l'Italie. Enfin, cette journée du Black Black Friday, l'association de défense de l'environnement Greenpeace propose de créer et de réparer plutôt que d'acheter. Avec plus de 260 événements dans 34 pays, cette opération se déroule du 23 novembre au 2 décembre et vise à inviter les populations à ne rien acheter et à agir à la place. Parmi les événements proposés par l'ONG figurent des ateliers de création de cadeaux de Noël durables, l'apprentissage de la cuisine sans déchets ou alors des conférences sur comment vivre sans plastique. C'est vendredi, c'est le week-end qui démarre avec nous. Oh là là. Ah oui, bon réveil ce matin. Toute l'équipe est là. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a Frisco qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Bonjour. Il y a Jérém. Salut l'équipe, salut la Belgique. Bonjour. Il y a Yannick aussi de la rédac. Bonjour tout le monde. Et oui, Aurélie qui était malade toute la semaine, qui nous reviendra lundi en pleine forme. On espère, Aurélie. Ouais. Bah, j'espère. Bah oui, ça va pas prendre deux semaines pas de congé. Pas de raison, non plus. Hein. On me la fait pas, moi. C'est une petite sinusite, hein. C'était ça? Je sais pas. En fait. Non mais ouais, elle était malade d'être, mais c'est vrai en ce moment il y en a beaucoup qui vont tomber malades. Hein, ouais. Donc, ah moi voilà, je le sens dans la gorge là. Hein. Ouais, oui, ça court, je, hein. Je sens que je vais aller acheter la PlayStation et puis que je vais aller chez le médecin chercher un certificat. Oui, alors toi je te vois venir avec des grands sabots lundi. Je sais pas pourquoi. Le gars lundi va être là, oh, je suis pas bien dis donc. Il va être à fond dans son jeu, il va vouloir le finir ce week-end quoi, je te jure. On a une surprise pour vous, je vous donne un petit indice. C'est la bonne nouvelle de ce matin. On est content, je vous jure, vous allez l'être aussi. C'est Le Roi Lion, un film qu'on adore de toute l'équipe. Et il faut le savoir, il y a le nouveau Roi Lion qui va sortir en 2019. C'est mon Disney favori, donc je suis comme un dingue. C'est le Disney de chevet, moi je dis. Les images sont, c'est un truc de malade. On a mis la vidéo sur nos réseaux sociaux. Il y a le trailer, comme on dit en anglais. Le trailer. En fait, et en français, c'est la bande-annonce, mais c'est parce que c'est pas en fait. Non, mais c'est vrai, on vous a mis ça. Allez voir les images, c'est sublime, c'est de la 3D. On a mis ça sur le Facebook et l'Instagram de l'émission. C'est les fifous du 6-9 sur NRJ pour nous retrouver. Venez voir cette bande-annonce, c'est magique ce. Je vous jure, j'ai hâte, c'est juillet 2019 la sortie prévue. Je suis comme un dingue. Ça va être long cet été d'attendre cet été. On peut déjà prendre les tickets, tu crois? Allez voir la vidéo, on vous a mis ça, les fifous du 6-9 sur Énergie sur notre Facebook. On se fait la chasse au pipeau dans un instant. Chacun va dire une phrase et à nous de savoir si c'est un pipeau ou si c'est une vérité. Ah d'accord. Ça va être sympa, on va en apprendre un peu plus sur nous. Ça arrive juste après Dinoro sur Énergie, 7h06, bienvenue. This is what we're waiting for. 7h08 sur Énergie, bon début de week-end. Ça, ça va nous mettre bien de bonne humeur, ça a bien réveillé, ça panique, halte de disco sur Énergie. J'adore, je suis très très fan de ce titre, vraiment, je vous le dis. Avant ça, 7h08, on va faire une petite chasse au pipo. Pipo, ah, pipo. La chasse au pipo. Ah, qui va mentir, qui ne va pas mentir. Le mec, il aime bien faire des bruitages. Mais c'est dans les visiteurs, il fait ça, la chasse au pipo. Pipo, pipo. Non, vous voyez pas cette scène? Si, je vois. Si, ça me dit quelque chose. Ouais. Bah, promis, pour la prochaine chasse au pipo, Tu reprends le. Je reprendrai ce moment-là. L'extrait. Qui sera le petit jingle de la chasse au pipo. Chasse au pipo, c'est très très simple. Chacun va lire une petite phrase et à nous de savoir et de deviner si c'est une vérité ou si c'est un pipo. Et c'est toi qui démarres, Tiffany. Alors, moi, cette semaine, j'ai eu l'occasion de suivre un cours de cuisine. Avec un chef, voilà. Et franchement, je m'en suis bien sortie. Oh là là, mais ça, alors, ça sent à plein nez. J'ai envie de te dire, c'est même pas pipo, c'est master pipo. Mais là, en plus, la meuf, elle nous dit hier, je suis rentrée super hier, tard de chez moi. Si t'as bien écouté, j'ai dit cette semaine. Oui, mais même. Pipo, pipo. Ouais. Bah ouais, non, mais attends. Non, mais elle nous prend vraiment. Attendez, ma mâche. Jérém. Hier, j'ai été à un dîner dans la famille de ma copine, ouais. Natacha. Et elle a avoué, ça fait 5 ans, enfin, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Elle a avoué pour la première fois devant moi et devant sa famille qu'elle était fan de Joséphine Lange-Gardien et qu'elle regardait à l'époque tous les épisodes et que maintenant ça arrive que quand je suis pas à la maison de regarder et elle me le dit et, jamais. Et est-ce qu'elle a fait un truc genre avec son verre, tu vois, avec la cuillère là, ting ting ting, je dois vous dire un truc ou quoi? Non, non, mais elle a lâché ça comme ça. C'est une vérité, ouais, j'ai que c'est une vérité. Moi j'hésite. Non, je pense que c'est un pipo aussi. Je vois pas Nat en train de faire ça. Non. Ouais, si, je sais pas quand même. Moi je dis pipo. Allez, bah c'est la vérité. Non, j'avais raison. Elle a dit ça. Ouais, j'ai dit mais Nat, pourquoi tu m'avoues ça que maintenant? Après autant d'années de confiance, après autant d'années d'amour, de fidélité, devant sa famille, devant moi, elle dit à tout le monde, je regarde Joséphine Lange-Gardien. Oui, ça va, elle t'a pas dit qu'elle te trompait non plus. C'est pire. Et là-dessus, il y a sa sœur qui a dit. Bon, j'avoue, moi aussi, je regarde. Oh là là. J'ai dit, oh, bah, vous savez, une famille de fous ici. Je m'en vais. J'ai dit, ah, vous regardez le Camping Paradis aussi. Là, ils m'ont dit, non, quand même pas. Bon, et c'est aujourd'hui Black Friday. C'est vrai que Jérém veut s'acheter sa PS4. Ouais. Ouais. Et il faut savoir que moi, c'est une condition si je veux continuer ma relation avec ma copine. Donc, elle m'a proposé de te la revendre. Et je suis prêt à te faire un super bon prix avec tous les jeux que j'ai. Pipo, c'est pipo, tu vois, je pense que c'est encore plus grand, ouais, que le pipo de Tiffany. C'est un méga pipo. Ouais. Jamais. PlayStation, c'est ma vie, fais qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. J'ai plus de PlayStation, j'ai plus. Frisco. Ben en fait, ça fait quelques jours, mais hier, je me suis endormi en regardant un film, mais genre à 8h30 quoi. Comme un bébé, comme un enfant. À 8h30 du soir. À 20h30, je me suis endormi en regardant Jamel Comedy Club, comme ça voilà. Même à 14h, tu t'endors. Oui, Jack, c'est une vérité, le gars, partout il dort. Ouais, moi aussi je dis vérité. Même en réu, tu dors, alors. Mais je dors pas en réunion. Soit, oui, c'était pas pipo. Je me suis vraiment endormi à 20h30, mais comme. Et comme après, un bébé. Voilà. Et après, ma copine m'a réveillé, elle m'a dit, tu dors. Je fais, ah. Et donc, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai parlé avec elle pendant une heure. Donc, tu vois, en fait, c'était vraiment le Jamel Comedy Club qui m'a vraiment endormi, quoi. Ah bah, t'as de la chance. Moi, la dernière fois que je me suis endormi plus tôt que prévu, ma nana m'a pas réveillé. Hein. Non, mais elle m'a dit, tu dors parce qu'en fait, je pense que le Jamel Comedy Club ne l'intéressait pas non plus. Donc, elle a fait, je préfère que tu éteignes cet ordi plutôt que. Voilà. Ah non, c'est dur, t'as de la chance, là, parce que je te jure, ça fait flipper hein, quand tu travailles en pleine nuit et que tu sais pas où t'es. Bien que ok, faut que je parte au boulot. Ah non, ça va, il est minuit. Ça fait très bizarre. C'est horrible. Ah ouais, c'est l'impression de faire deux nuits dans une en plus, c'est affreux. Ouais. 7h12 sur Énergie, dans un petit instant, on va parler d'un truc extraordinaire, un truc que j'ai fait et je suis content. Je me suis dit même, ça, c'est fait. Destiny. jaded, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't ever die, but I always had a vision, always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million, always had high, high hopes. Mama said, overfan, je vous le dis sincèrement, overfan de ce titre. Il est terrible. Le nouveau Panic at the Disco qu'on en écoute un instant sur Energy. 7h15, dans un petit moment, c'est Soprano qui va arriver, extrait du nouvel album Phoenix. Si vous êtes fan de Soprano, il sera en interview et il va venir faire un live chez Rallye des Wendy. C'était poteau ça, Moyani, que Rallye des Wendy. Bah ouais, il me commence un peu à me manquer là. Oh, chouchou. Vas-y, dis que t'es dégoûté d'être avec nous le matin. C'est clair, ouais, c'est ça. Je te rassure, Aurélie nous manque aussi. sauf que nous, c'est vrai. Soprano qui sera là le 4 décembre entre 16h et 20h avec Rallye des Wendy. J'aime beaucoup Soprano, baba. On l'écoute dans un petit instant sur Énergie. On revient avec un sujet. Faut que je vous raconte un truc, les copains. Je suis très content et je suis sûr que vous aussi ça va vous faire réagir et je me suis dit ça c'est fait, tu vois le ça, ce fameux truc où tu dis ça c'est enfin, fait enfin je l'ai fait. Et ben je vous explique ça dans un petit instant et vous allez vous dire enfin nous dire vous aussi ce que vous avez fait. Vous êtes bien content que ce soit fait après Soprano Baba sur Energy. 7h15, c'est le 6-9 sur Energy. On vous joue vos hits préférés sans s'arrêter dans la playlist Energy. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur energie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Pour déguster les meilleures crevettes grises, plus besoin d'aller à la mer du Nord. Et c'est tant mieux, vous éviterez les files. Non, il vous suffit d'aller chez Delaize. Ce sont elles qui viendront à vous et en plus, vous profiterez cette semaine de 30% de réduction. Delaize, du côté de la vraie vie. Voisin. Salut, bon pipi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma, pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein? On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. Oui, petit message pour ma voisine qui écoute la radio. C'est pour lui dire merci de ne pas dire à ma femme que ce 23 novembre, c'est Black Friday chez Manier et Luxus. Ils font moins 20% sur toutes les chaussures, donc pas besoin qu'elle la prenne. Chérie, je t'entends à la radio. Ah zut, et en plus, ils prolongent tout le week-end. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux? Conditions sur manierluxus.be. Envie d'un délicieux parfum, d'une crème nourrissante ou d'un rouge à lèvres séduisant? À l'occasion du Black Friday, Ici Paris XL vous offre 15% de réduction sur tout l'assortiment. Uniquement aujourd'hui, aussi sur iciparixl.be. Ici Paris XL, tellement toi. Le Black Friday, c'est aussi le Black Weekend à la Fnac. Et même le Black Lundi. Consultez nos heures d'ouverture du dimanche sur fnac.be. Fnac, libérez votre curiosité. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Quand on ouvre un ballotin Léonidas, on trouve des pralines, des pralines, des pralines, mais aussi des... Des... Alors, vous avez été sages, les enfants. Et des... Saint-Nicolas. Cette semaine, les Saint-Nicolas en chocolat arrivent dans votre magasin Léonidas. Pour tous les enfants. Léonidas, la boîte à bonheur. Et le bébé, ça va? Oui, ça va, mais moi, j'en peux plus. Oh, tu vas t'en sortir. Tu sais, Rome, c'est pas fait en un jour et tous les chemins mènent à Rome, justement. Alors, yes, week-end, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ta vie, elle appartient qu'à toi, alors sois forte. Ces conseils ne vous aident pas? Ben... Écoutez cela, psychologue.

Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. À la vie, à la mort. Donc danse, danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. C'est vendredi et oui, le week-end qui démarre, 7h24, on espère que tout va bien. On parle des choses que vous avez faites et que vous avez enfin fait. Ça y est, c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Et j'ai même envie de dire, ça, c'est fait. On parle de ça ce matin avec vous, pourquoi? Parce que vous en doutez bien, ma cuisine de ma vie. Ça, c'est fait. Ah, ça y est, c'est bon, c'est, ouais. T'as terminé enfin les travaux? Hier, bah, j'ai fini les travaux, ça faisait un petit temps. Et hier, j'ai rangé tout le matos, ça traînait depuis des semaines. Ma nana me prenait la tête avec ça. Et donc hier, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout descendu, mon appartement est tout propre. Ah, cuisine toute. Félicitations. Ouais, bah, je vous inviterai. Oh, ah cool, bah, on fera à manger. Dans ma nouvelle cuisine. Blague, tu crois que je vais venir dans ta cuisine sans que tu me fasses à manger? Et vous, quel est le truc que vous avez terminé qui durait depuis très longtemps? On en parle ce matin et c'est voilà. Ça, c'est fait. C'est la petite gimmick qu'on fera à chaque fois avec vous. Frisco. Alors. J'ai peur. Non, mais non, c'est tout ce qui est le plus joyeux. Ça fait un mois et demi que je cherche un appart pour emménager avec ma copine. Ah, et ben ça, c'est fait. C'est vrai? Ouais, j'ai trouvé. C'est signé? C'est pseudo-signé. Enfin, on a eu l'accord. On a eu l'accord du proprio, mais c'est juste que c'est dans deux mois que j'emménage seulement. Du coup, je dois encore signer le bail, etc. Mais elle m'a envoyé un mail comme quoi elle me le gardait. Donc j'ai des preuves comme quoi elle me le garde. C'est à moi. Enfin, ce sera pour nous et voilà. Et tout vous plaît dans l'appart et tout. Le frigo est un peu petit, je t'avoue, mais on a une petite pièce, une petite buanderie où je pourrais en remettre un. C'est sa salle de jeu. Ouais, il va se mettre sa conchou. Je vais dans la salle de jeu, mais c'est la buanderie. Ouais, mais il y a le frigo. Dites-nous vous aussi, 30-18, ça faisait longtemps, ça c'est fait. Vous en parlez avec nous ce matin. Tiffany du Standard. Ben moi, ça c'est fait. J'ai emménagé dans mon appartement. Ah oui, c'est vrai, déménagement. Ben oui. Ça, c'est cool. C'est fait. Ça a pris du temps, mais je peux te dire que maintenant on y est et on est bien. Ah bah voilà, pas très très bien. Jérémy. Mais ça faisait très longtemps que j'étais plus tombé malade et je commence à avoir mal à la gorge. Je commence à avoir un petit rhume, donc voilà, ça c'est fait. Vous nous dites... Ça va être le petit gimmick à chaque fois, tu vois. Ça c'est fait. Vous nous dites 30-18 par SMS ou alors le 0800-234-56. Déjà des messages qui arrivent. On nous dit finir tous les épisodes de Game of Thrones. Thomas qui nous a envoyé ça. Ça c'est fait. Dites-nous 30-18 par SMS, ça va être drôle. Major Lazer qu'on écoute maintenant. Bon réveil, 7h26. Time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song, the right song. Let's shoot this movie and put the shit on repeat. I hope this memory's not making me fall asleep. Before we hit the road, put our phones on silent. Nobody's trying to bring sand to the beach. What would it take to change plans for the weekend? Cause I'm trying to kick it like eating. The whole thing, the pre-party, the pre-sex. Then we hit the major league with a Jesus. Yeah, I like you, girl, in particular. You in particular. See, I like your waist in particular. Major Lazer avec Particula, ça c'est fait. Dans un instant justement on parle de ça avec vous. Ça c'est fait, 30-18, 0800-234-56. C'est un truc qui traîne depuis très longtemps et vous l'avez enfin terminé. Marshmello, on écoute ça et les infos à 7h30.

Oh, c'est nul. Non, c'est nul. C'est pas cool, vraiment, c'est vraiment. Franchement, c'est nul. C'est très nul, mais c'est très drôle. Ouais, c'est assez drôle, ouais. C'est drôle, mais c'est très nul. C'est vrai, non, ça se fait pas, évidemment. Faut pas faire ça, les gars. Faut pas faire ça, c'est très, très, très, très bête, mais c'est très drôle quand même. Faut être franc, c'est drôle. Ah là là, c'est mignon. Eh ben, merci pour cette info. Mais de rien. La Belgique, c'est l'atomium, le Manneken Pis, le chocolat, la frite, la fricadelle. Et le 6-9 sur Énergie. Ah, tu vois, ça, Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses-là, quoi. Trop d'amour dans ces jingles, c'est incroyable. 7h34, bonjour. Bonjour. On espère que toi bien ce matin. C'est le week-end qui démarre avec énergie à fond. Les fifous du 6-9, on est là. Marshmello qu'on écoute maintenant. Et on revient avec notre 6-9 quiz. C'est tous les vendredis à 7h35. On va voir si vous êtes fan incontesté du 6-9. On réécoute les meilleurs moments et on pose des questions avec du cadeau à la clé. Voilà, c'est pas mal. Après Marshmello. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Sur Energy, dans un instant, c'est LP qui va arriver avec son nouveau hit. Quelle voix, quel talent et quel look aussi. Ah ouais, vraiment. LP, ça arrive juste après. Voici, avant ça, 7h36, le moment du 6-9 quiz. Ouais. Le 6-9 Quiz, c'est tous les vendredis à 7h35. On fait en fait un petit questionnaire, un petit quiz sur l'émission, sur les meilleurs moments de l'émission. Et c'est Jonathan qui vient jouer ce matin. Oui, Jonathan qui travaille comme chauffeur poids lourd dans la région de Beaudour, donc près de Mons. Il a une fille de 11 ans qui s'appelle Lilou. Il aime le sport automobile et il s'est lancé dans le karting depuis 3 mois. Il aime aussi beaucoup la série Game of Thrones. Et sa musique du moment, c'est Django de Dadju. Ah, bien, ouais. Chouette. Bonjour Jonathan. Hello les fifous. Hello. Salut Jonathan, sois le bienvenu dans le 6-9. On va jouer au 6-9 Quiz ce matin avec toi. Très simple, j'ai trois petites questions concernant l'émission, Jonathan. Il y a du cadeau à la clé pour toi, je l'espère, au bout. Si tu as des bonnes réponses, au moins 2 sur 3, ce sera pas mal. Voilà. Super. Au moins ça. On y va avec la première question, c'est tous les mardis à 7h35. Je suis sûr que t'adores comme tous les fifous. C'est le jeu du bottin avec notre Jérém National. Jérém. Et il a tenté à plusieurs reprises d'avoir monsieur le curé au téléphone. Et la première fois qu'il a appelé, il n'est pas tombé sur ce fameux monsieur curé. T'avais entendu ou pas ce moment? Ouais, c'était partie de l'émission. Alors il n'est pas tombé sur monsieur le curé, mais il est tombé sur une autre personne. Est-ce que tu crois qu'il a été bien reçu, connaissant Jérém et le jeu du bottin? Non. Non. Eh bien, on vérifie. Et j'ai voté pour... Ah, c'est pas le bon son, ça. C'est pas le bon son. Ah oui, mais c'est, pourtant, c'est ce qui est écrit dessus, les gars. Donc, à un moment donné, je veux bien, mais... Choisis un autre. C'est... Tu l'as ? Attends. Non, mais c'est pas ça. Il n'est pas diffusé à l'antenne. C'est pas ça. C'est pas ça, les gars. Donc, voilà. Ah, okay. C'est pas le bon son, donc je suis pas magicien. Attendez, j'écoute vite fait. Désolé, mais... Ça a été très mal encodé, donc voilà. Il est bon, mais il n'est pas au bon endroit. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je cherche monsieur le curé. Oui, le moine, oui. Non, le curé. Quel est le problème, là ? Je cherche le monsieur le curé, c'est vous ? Oui, vous venez de dire le moine, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je cherche le curé, pas le moine, je vous le dis, c'est vous qui avez dit le moine, hein ? Eh ben, le curé, vous n'avez pas ça ici, ok ? Ah ben oui, mais ça j'entends bien. Ce que vous dites n'est pas très catholique, monsieur. Ah, il était chaud, lui. En effet, il n'a pas été super bien accueilli. C'est la réponse non. Et ben du coup, ça te fait pour toi un point. Eh ouais, bien vu, Jonathan. Un point. Par Dieu, il a été bien accueilli. Par Dieu, il a été bien accueilli. C'est vrai, Jonathan. Deuxième question. Hier, nous avons fait, c'était d'ailleurs pour la première fois, un conseil de vote style à la Koh-Lanta. C'est parce qu'il y a une entreprise, vous savez, ils ont dû virer un mec et tout, et pour le virer, ils ont donné un post-it à tout le monde et ils ont dit « Votez tous pour GG ». Et du coup, on a décidé de faire la même chose, on devait voter pour éliminer un membre de l'équipe. Alors, à ton avis, pour qui, personnellement, moi, j'ai voté ? Je sais pas, c'est pas... C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave. On va réécouter ce grand moment. Je vous le dis. Et j'ai voté pour... Jérém. Pourquoi ? Jérém, j'en ai marre. Quoi ? Ça fait 3 semaines que tu nous saoules avec ta PlayStation 4. Tu vas nous l'acheter demain parce que je te jure que sinon je te la fais bouffer. C'est surtout que j'ai besoin d'une excuse avec ma nana le soir pour quand je joue. Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Mais je suis avec Jérém et Frisco, on brainstorm. Brainstorm en live sur la PlayStation. C'est une excuse que je vais avoir à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Ah, ouais, si tout se passe bien. Oui, je vais c'est pas et... cool ça. C'est bien la PS4. De quoi ? C'est bien la PS4. Évidemment que c'est énorme. C'est énorme. Il faut qu'il nous l'achète aujourd'hui. Il faut qu'il arrête de nous saouler. De toute façon, s'il l'achète pas aujourd'hui, je l'ai dit, je le fais bouffer. Donc. Mardi, on a joué au jeu du Où suis-je ? Un jeu qu'on aime beaucoup ici dans l'émission. Le but du jeu, c'est simple. On a des petites cartes, en fait, et on doit faire deviner aux autres le lieu qu'on décrit. On est là, on dit, ah bah tiens, j'ai ça autour de moi, il fait telle température, il y a telle personne avec un style vestimentaire très bizarre. Bref, et on a complètement été à la masse. Enfin, en tout cas, une personne de l'émission a été complètement à la masse pendant ce jeu. Est-ce qu'à ton avis, c'est Tiffany ou est-ce que c'est moi, Marco ? Je pense que c'est Tiffany, c'est Métis. En fait, c'est la logique de tout le monde. Quelqu'un à la masse dans l'émission, c'est elle. C'est Tiffany, c'est ça. On réécoute. Vous pouvez nous découvrir en bateau, du haut d'un belvédère ou à partir de parcs. Pour les lunes de miel, nous sommes tout simplement idéales. Mm-hmm. Nous transportons près de 20% de l'eau douce de notre planète. Jérém ? Ouais. Gilles Grec ? Non. Frisco ? Non. Bah attends, ah, oui, le mec, je dis même pas de réponse, il me fait non, tais-toi. Oh, mais c'était Marco. C'était Marco. C'était magique. Non, c'était moi, c'est pas grave. Ah, ben, tant pis. Ouais, c'est pas grave. Mais tu sais quoi, allez, on est gentil quand même. Du cadeau pour toi ce matin, Jonathan. Bah, il a une bonne réponse, donc ouais, quoi, c'est bon. Une bonne réponse. Cadeau pour toi, mon Jonathan, mais ouais, ouais, ouais, Jonathan, cadeau, je vais te laisser choisir entre 4 places de cinéma, la dernière compil énergie ou notre enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ouais, l'enceinte Bluetooth, allez. L'enceinte Bluetooth du 6-9. Eh ben, on t'envoie ça comme ça, tu pourras nous écouter sous la douche. Bonne journée à toi, Jonathan, à bientôt. Bisous. Bisous. Salut, bisous, Jonathan. Voici LP sur Energy, 7h42. My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Don't reach out and tell me that you care. I'm finally sober. I see the light. The worst is over. Nobody died. I'm still trying. Personne n'a un doliprane pour Elpius, je crois qu'elle va pas très bien en ce moment. 7h45, Jason Derulo. Le titre réalisé par David Guetta, entre autres, notamment dessus, pas mal. Ça va arriver dans quelques minutes pour vous sur Énergie. 7h45, on parle de cette chose que vous avez faite et que ça fait longtemps que ça traîne et que tu te dis ah ça. C'est fait. On nous a envoyé déjà des petits SMS au 3018. On nous a dit réservé mes vacances pour Noël. Ah bah, ça c'est fait. C'est cool. C'est bien, ouais. Et si c'est pas encore fait, on a un beau cadeau la semaine prochaine. Hein. Et ouais, on a les 2000 euros de vacances pour vous la semaine prochaine. Bien vu, moi je suis. Ça va être fait, on va pouvoir vous payer vos vacances s'il faut. Faire ma voiture au car wash, Jonathan qui nous envoie ça au 3018. Ça. C'est fait. Moi, ça fait 2 mois et demi que j'ai plus été. C'est vrai? Ouais, il faut que je le fasse absolument aussi. Ah, et c'est relou, moi j'aime pas. Je vous le dis, ça, c'est chiant à chaque fois. Ça m'ennuie. De quoi? D'aller nettoyer Allô, car wash, ouais. Ouais, mais après, t'es content. Quand... Oui, t'es fier, mais. En Belgique, ça dure que 2 jours. C'est ça, il pleut, hop, tu remets tes pieds dans ta voiture, et voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis il y a le sel qui arrive là. Le quoi? Le sel sur les routes. Et le poivre aussi, évidemment. pardon, le sel. Le mec qui veut faire des vannes et tout. Mais non, mais je me dis de quoi il parle. Mais oui, le sel, oui, pour le. Bah oui, pour la neige. Le gel. Moi j'ai une voiture noire, fieu, elle va être dans un état. Je te raconte même pas. Il dit le poivre au calme. Oh énorme, je t'envie. Anne vient de nous envoyer un petit SMS 3018. Manger ma première raclette, ça c'est fait. Oh là là là là là là. Qui a déjà mangé sa raclette là? C'est vrai? Ouais, il y a 2-3 semaines. Oh Sanigo. Oh dis donc. Oh mais moi aussi j'ai envie de. J'en ai mangé qu'une pour l'instant. De quoi? 5 euros. Pourquoi 5 euros? Sanigo, c'est gentil, c'est mignon. Sanigo. Ah, j'avais pas compris ça. T'arrives d'où, toi? Tiens, 5 euros pour toi. Pour ton impertinence. Et ben, vous continuez de nous dire ça, justement, ce que vous avez fait qui traîne depuis très longtemps et que ça y est, vous l'avez enfin fait. 3018 par SMS, 0800-23456. On en parle juste après. Jason Derulo sur Énergie. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It music. Only. Ma voisin. Salut, bon pipi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein? On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. Macro, flash info. Chef étoilé ou passionné de cuisine, entrepreneur ou bricoleur du dimanche, association ou famille nombreuse, la carte macro est aussi pour vous. Alors, professionnel ou particulier, avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuechezmacro.be. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusque samedi, chez Macro, les crevettes grises pêchées en mer du Nord sont à 19,95€ le kilo. Nouveau, un magasin Mediamart dans chaque Macro. Découvrez nos meilleures offres sur mediamart.be. Oui, petit message pour ma voisine qui écoute la radio. C'est pour lui dire merci de ne pas dire à ma femme que ce 23 novembre, c'est Black Friday chez Manier et Luxus. Ils font moins 20% sur toutes les chaussures, donc pas besoin qu'elle la prenne. Chérie, je t'entends à la radio. Ah zut, et en plus, il prolonge tout le week-end. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux ? Conditions sur manierluxus.be. C'est Black Friday chez Planète Parfum. Minimum moins 23% sur tout l'assortiment dès le 23 novembre et tout le week-end. Planète Parfum, fan de beauté. Aussi sur planèteparfum.com. Qu'y a-t-il de mieux que le Black Friday ? Le week-end Black Friday chez Mediamart. Toutes ces affaires en or qui vous tendent les bras. Comme le lave-linge AEG très économe en énergie, d'une capacité de 10 kilos pour seulement 499€, soit 250€ de moins. Maintenant et jusqu'à dimanche inclus, en magasin et sur mediamart.be. Découvrez votre futur métier. S'il n'était pas animateur dans le 6-9 sur Énergie, que pourrait bien faire Marco, Jérém et Frisco dans la vie ? La Team Énergie a testé pour vous des métiers porteurs d'emploi et pour lesquels il existe des formations en Forem. Retrouvez leurs expériences sur Énergie entre 6h et 9h et en vidéo mardi sur énergie.be avec le Forem. Les mardis d'avenir du Forem, des métiers à découvrir, une formation à choisir. Jeune.leforem.be. Ce vendredi, c'est Black Friday chez Nissan. Jusqu'à 30% de remise sur une sélection de Nissan de stock. Sur les Nissan noirs ? Ah bah non, pourquoi ? Black Friday ! Ah ouais, non, jusqu'à 30% de remise sur une sélection de Nissan de stock de toutes les couleurs, c'est ce vendredi 23 jusqu'à 20h et ce samedi 24. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. C'est le Black Friday chez IKEA. Et comme il y a toujours beaucoup de monde pendant le Black Friday, nous allons aussi faire le Black Thursday, Saturday, Sunday et Monday. Les Black Friday Deals, c'est jusqu'à 70% de réduction du 22 au 26 novembre. IKEA. Des vacances pour toute la famille ? Vous en rêvez ? Avec Neckermann, vous l'avez. Réservez vite vos vacances d'été et c'est gratuit pour vos enfants, même pendant les vacances scolaires. Autosan. Ah, ces routes glissantes, ces chemins enneigés et ces pneus qui ne sont décidément plus de saison. Pour traverser l'hiver en toute confiance, foncez chez Auto 5 et profitez des prix les plus bas. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence. Prenez rendez-vous sur auto5.be. Qui dit auto, dit Auto 5. Conditions sur auto5.be. Super, ce click and collect. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Vous êtes contents, ça fait longtemps que ça traîne, vous l'avez enfin fait, ça c'est fait. On en parle avec vous, on vous lit vos messages là juste après Jason Derulo, 30-18 par SMS pour réagir. Et avant ça, un petit point sur les routes, Yannick. Mais oui, le trafic est toujours perturbé sur la ligne intérieure de Bruxelles entre Waterloo et le Carrefour Léonard. La situation est de pire en pire et pour l'instant, vous perdez 24 minutes. C'est compliqué également à hauteur de Oulart. Conditions de conduite difficiles également sur la N552 de Dour à Glin. Enfin, le trafic est perturbé entre Arlon et Sterpenich, vous perdez 35 minutes. 7h55. Dimitri Vegas, Like Mike, c'est la suite des hits. On va en profiter, tiens, faire un petit big up les anniversaires. We sing happy birthday to you. Un bon anniversaire à ma fille Emma qui fête ses 7 ans demain et vous écoute tous les matins dans la voiture. Pouvez-vous lui souhaiter de la part de Géraldine? Bah voilà, gros bisous Emma, bon 7 ans. Manon qui fête ses 12 ans aujourd'hui, voilà. Carole, qui sa maman, qui souhaite un bon anniversaire aussi. On embrasse très très fort. Bisous bisous, bon anniversaire à vous les fifous. Ouais. Et on parle depuis ce matin aussi avec vous de ça, de ce qu'on a fait et qu'on est bien content que ce soit fait. Ça C'est fait. 30-18 par SMS 0800-23456. Il y a Pierre-Louis qui est là ce matin avec nous, qui nous a appelé au standard gratos. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour les fifous. Bonjour. Ça va bien Pierre-Louis? Ça va, merci à vous. Ouais, très très très bien. Pierre-Louis, toi c'est quoi le truc où tu te dis ça y est, ça c'est fait? Eh ben c'est ranger ma chambre. Ranger ma chambre, ça c'est fait. Il y en a beaucoup comme toi, hein. Ah ouais, c'est le truc relou. La petite anecdote que Pierre-Louis m'a racontée hors antenne, c'est qu'en fait ses parents ont coupé internet pour qu'il le fasse. La méthode, ça a fonctionné. Je choisis la méthode offensive. Parce que ses parents ont dit. Ah oui, bah là direct, Pierre-Louis, c'est clair que ça calme, on peut plus jouer, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On range. Oui, oui. Ah ouais. Plus d'internet, plus de Fortnite, je range ma chambre tout de suite. Attention, moi c'est pas Fortnite. Ah, c'est quoi? C'est Minecraft. Ouais, ah ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Et quoi d'autre? Minecraft. Un petit peu de Fortnite. Un peu de Fortnite quand même. Ouais. Tiens, j'y étais quand même un petit peu quand même. Et les filles encore? Les quoi? Les filles. Les gonzesses, quoi. Pierre-Louis, mais il a le temps. Mais oui, il a le temps. Il a le time. T'as quel âge, Pierre-Louis? 14 ans. Mais oui. Encore quelques mois et puis oui, c'est parti. Oui, continue à jouer à la manette, c'est bien. Pierre-Louis, on te souhaite une très belle journée, mon poteau. À bientôt. À bientôt. Salut, Pierre-Louis. 30-18 par SMS, qu'est-ce qu'on a eu? Sylvain qui nous envoie changer de slip, c'était ce matin. C'est fait. Malheureusement. Ah, j'espère que. Surtout, je me demande depuis combien de temps il l'a, tu vois, c'est ça qui me fait peur. On nous a dit quoi aussi? Allez voir mon soulard d'oncle. Oh, Dieu, c'est méchant ça. Je dirais même plus, c'était une BA. Ça, c'est fait. Bisous à tous ceux qui vont aller voir mamie ce week-end pour la petite pièce. Il y a aussi Lucas qui est avec nous ce matin. Salut, Lucas. Allô Lucas. Attends, c'est peut-être le standard, il est peut-être du mauvais côté le Lucas 67. Salut Lucas, ça va bien? Pareil vous? Ouais, ça va bien. Sois le bienvenu Lucas ce matin dans le 6-9. Lucas, c'est ça, tu te dis ça, c'est fait. C'était quoi? Faire le plein. Faire le plein d'essence, ça c'est fait. Compte en banque vidé. Ah, clairement, mais faites gaffe, moi je vous conseille, prenez des jerrycans, mettez ça à la banque, dans quelques années ça va valoir du pognon, je vous le dis. Il a diminué aujourd'hui, je crois. C'est vrai? Ouais, je pense. Et il faut faire gaffe, faut y aller maintenant, avant qu'il n'y en ait plus. les conseils de Tiffany. Ah, c'est pas la fin du monde non moi, plus. C'est ce qu'on m'a dit. Oh là là. Et t'en as eu pour combien, Lucas? 60. Oh, ça fait mal. Ouais. Tout ça pour rouler, quoi. Vive le vélo. On te souhaite une très belle journée, Lucas. Merci d'être passé ce matin. Bisous à toi, big up, Lucas. Bisous. Salut. Allez, on nous a dit aussi donner ma démission. J'ai bien réfléchi, ça sera pour ce matin. Ah ouais. Ah ben c'est pas encore vraiment fait, mais ça va être fait. Ça va être fait, ouais. Synchroniser mon GSM avec mon ordinateur, ça c'est fait. Ah, ça, oui. on met toujours des mois à le faire. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, vider le téléphone, il n'y a plus de place, quoi. Ouais, c'est ça. C'est synchroniser pour que quand tu t'en as besoin, hop. Tu remets ça, quoi. Il y a Valentine qui nous dit de terminer l'école. Ça, c'est fait. Et bon, big up à toi, Valentine. Profite bien. Et puis enfin, celui-là est magique. Après 28 ans de mariage, le divorce. Ça, c'est fait. Courage à toi pour le divorce. C'était magique. Merci en tout cas pour vos réactions, les fifous. On revient avec Dimitri Vegas, Like Mike, et le débrief de PE qui arrive dans l'heure. Et le duel énergie, là, dans quelques minutes. À tout de suite. On perd la mesure du temps. On attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. Un passage sans boussole, en dérapage, on se nord. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. On prend les virages pour coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. Collect and go. Ah, comme c'est loin, le temps où je stressais dans les files pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect and go, le service de course en ligne de Colruyt Group. Il est 8h01 sur NRJ, bienvenue. Le débrief de PE qui va arriver dans l'heure. Et en forme, je vous le dis, il est au taquet. Vacances de rêve ou cuisine de rêve? Pourquoi choisir? Conditions exceptionnelles et chèques cadeaux pour un séjour Center Parcs gratuit. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Offre soumise à condition. Dans un instant, c'est le retour du duel énergie avec Célestin qui revient ce matin, notre maître du duel. C'est juste après Dimitri Vegas et Like Mike. Et là, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Quelques pluies, du brouillard et du givre sur la route ce matin. Ensuite, on profitera de quelques éclaircies en cours de journée et d'un temps sec. En fin de journée, des nuages se feront un peu plus nombreux. Il fera plus doux. Aujourd'hui, les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés. L'actu de ce vendredi 23 novembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Un accident de personne à hauteur de Kortenberg a provoqué l'interruption de la circulation ferroviaire entre Bruxelles et Louvain. C'est la SNCB qui l'annonce. L'incident s'est produit à 6h30 ce matin et aura de lourdes conséquences pour l'heure de pointe. La circulation entre Louvain et l'aéroport de Bruxelles est également impactée. La durée de l'interruption n'est pas encore connue. Sur le ring de Charleroi, plusieurs gilets jaunes ont bloqué un camion avec des barres en métal provoquant des embarras de circulation et forçant la police à intervenir. Par ailleurs, selon la DH, des actions de gilets jaunes ne sont pas à exclure près des commerces, des actions évoquées sur les réseaux sociaux. Il semblerait donc que les gilets jaunes voudraient mener des actions en raison du Black Friday. Certains appellent au rassemblement à 16h, d'autres parlent d'une présence de 8h à 20h. Et en cette journée du Black Friday, l'association de défense de l'environnement Greenpeace propose de créer et de réparer plutôt que d'acheter. Avec plus de 260 événements dans 34 pays, cette opération se déroule du 23 novembre au 2 décembre et vise à inviter les populations ne rien acheter, mais plutôt à agir à la place. Parmi les événements proposés par l'ONG figurent des ateliers de création de cadeaux de Noël durables, l'apprentissage de la cuisine sans déchets ou alors des conférences sur comment vivre sans plastique. Le 2 décembre prochain, les Belges sont appelés à se rendre en masse à Bruxelles pour réclamer la justice climatique. Une initiative soutenue par quelques célébrités comme Angèle par exemple. Une initiative qui survient après le dernier rapport alarmant qui a une nouvelle fois alerté le monde sur les conséquences dramatiques d'un réchauffement climatique. Et enfin, en football, lors d'une interview sur le site de Manchester United, Marouane Fellaini a révélé lui-même qu'il a refusé la sélection avec les Diables Rouges. Le joueur voulait faire l'impasse sur l'équipe nationale pour travailler à sa revalidation en vue des prochains matchs de son club. Quasi 4 sur NRJ, bonjour! Bonjour! C'est vendredi, c'est le week-end. Ah, ça fait plaisir. C'est vendredi, c'est le début du week-end. On est là comme chaque matin pour vous réveiller dans la bonne humeur avec toute l'équipe et les fifous du matin. Mon Frisco! Ouais! Bonjour tout le monde, bonjour Marc! Il a cru qu'il arrivait au stade de Belgique. Quoi. Il mais... rentrait sur la pelouse pour faire son entrée. J'étais pas au stade Robodon. On remplaçait Eden Hazard par Francesco Zida. C'était ça la scène. Ah, mais ce serait un kiff. Il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a aussi Jérém qui est là. Bonjour l'équipe, bonjour la Belgique. Bonjour, bonjour. Il y a Yannick aussi à la rédac. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et il y a PE qui est déjà là dans le studio, qui est arrivé. Dis bonjour. Ouais. Dis bonjour. Belle imitation, de Frisco. PE qui débarque à 8h35 pour le débrief de PE. Restez bien branchés. On, là, on va se mettre un petit Dimitri Vegas et Like Mike tout de suite. When I Grow Up. Et juste après, on va revenir. Oui, je sais. Bon accent anglais, vous me l'enviez. On revient juste après avec le duel énergie. Bienvenue. Do them trees, it's true if you believe, you can get anything you want to achieve, and that's worth to everything tatted on my sleeve, it ain't what you see, a G is underneath, I've left plenty positions of feeling comfort, when shit ain't cool, fools run for it, you gon' remember my name when I'm done with it, and when it's said and done, I'll be at the top where the summit is, 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. I'm by my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. You could be a legend too. 8h08 sur Énergie, Louane, Julien Doré. Le duo choc. Oh, j'adore. I guess to pants to beef to fry. Allow to beef to pop back and to fry. On pourrait faire un trio, hein. Tu crains pas. Mais y'a moyen, non? Attends, vas-y. I wanna be to one stack to fly. I want to be, I want to see. En plus, ça veut rien dire. Mais oui, c'est qui est bon. Louane, Julien, ça arrive dans un instant sur Énergie. Avant ça, comme d'hab, mais oui. 8h08, voici le retour du duel Énergie ce matin. Le duel Énergie. On se fait des kiffs comme ça, c'est génial. Avec Célestin, notre maître du duel, qui revient ce matin. Célestin qui est à 300 euros dans sa cagnotte. Pas mal, il a 20 ans, c'est bien. 300 euros déjà en une journée. Bonjour Célestin. Salut à tous. Salut. Une participation pour Célestin est déjà dans le game. Pas mal, avec ouais. 300 euros dans la cagnotte, Célestin. On croise les doigts ce matin pour que ça se passe bien pour toi et que bah gagner un peu plus d'argent. Mais merci. Célestin, tu t'en doutes bien, ça ne s'appelle pas le duel s'il n'y a pas de duel. Il y a ce matin Florence qui vient t'affronter. Florence qui travaille comme employée dans un bureau de recrutement du côté de Liège. Elle a un petit garçon de 6 mois qui s'appelle Anton. Elle aime beaucoup la musique et elle est très gourmande. Elle aime beaucoup la gastronomie aussi. Elle est au restaurant, hein, copine à Frisco. En ce moment, elle regarde la série de Bodyguard sur Netflix et sa musique préférée, c'est All Right de Jane. Alors comme le dit Chuck Norris, hein, quand il urine face au vent, le vent préfère changer de direction. Eh bien, Célestin, c'est l'effet que Florence va te faire. Possédé. Posséder. Eh, bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Florence. Célestin, Florence. Vous allez vous affronter dans un nouveau duel énergie. Un duel énergie ce matin, spécial année 2012. Oh. L'année présumée de la fin du monde. On est en 2018. Autant vous dire que ça n'a pas marché. Florence, Célestin, soyez les bienvenus. On joue donc avec l'année 2012. Il va y avoir de tout, je vous le dis. Et il va falloir me donner le nom de l'artiste ce matin, tout simplement. Voilà. D'accord. Tout simplement. 5 extraits jusqu'à 500 euros à gagner ce matin, puisque c'est 100 euros par extrait. 5 secondes par extrait, beaucoup d'argent à vous faire, vous l'avez compris. Ça se cumule en plus, les cagnottes, donc c'est plutôt pas mal. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que bah, Célestin est déjà à 300 euros, et que si aujourd'hui il nous fait 500, en deux participations, le mec, il gagne 800 balles. Bam ! C'est quand même pas mal. Donc ça, va, ça peut aller très très vite pour vous faire beaucoup d'argent grâce au Duel Énergie. On rappelle aussi cette règle très importante et fondamentale du Duel Énergie. Votre buzzer, c'est votre prénom. En douceur, c'est ça. Prénom. C'est bien ça, évidemment. On y va. Bonne chance à tous les deux. Voici le premier extrait. J'ai voulu dormir et j'ai fait... Célestin, on t'écoute. Tal. Artiste de 2012. Enfin, en tout cas, ce titre était sorti en 2012. Tu nous dis Tal. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Oui, bah, ouais. De la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la... Je crois que Tiffany est fan, réellement. Ouais. Non, j'aime bien, mais je pensais que t'allais marquer que j'avais... Je m'étais trompée de pas. Non, j'aime bien, j'aime bien. Je connais, quoi. C'est le genre de chanson que je chante quand je suis en voiture. J'ai la nana au café, tu sais. Ouais, ouais, j'aime bien. Mais je connais, quoi, je veux dire. Il y a deux types de chasseurs. Mais ceux qui connaissent, c'est ceux qui connaissent. Ça fait un point. Et 100 euros pour Célestin ce matin, qui viendrait s'ajouter à ta cagnotte si jamais, bien évidemment, tu restes maître du duel. Voici le deuxième extrait. On cherche donc des artistes de 2012. Ces titres sont sortis en 2012. Moi, j'ai entendu Florence. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, Célestin, par contre. Ouais, bah là, je crois qu'on va devoir se faire un petit maître replay, parce que là, je vous cache pas que ça a été les deux tendus. Un peu tendu du slip, c'était cette histoire. Très proche. C'était très très proche. Donc voilà, je vous propose, on a un maître qui nous coûte pas cher, qui s'appelle Maître Ripley. Et donc voilà, on l'écoute et on a les extraits. Comme ça, au moins, on peut pas nous la faire à l'envers. C'est parti. Maître Ripley, pouvez-nous remettre l'extrait, s'il vous plaît? Titres sont sortis en 2012. C'est Célestin, mais c'est Célestin de derrière, dans le fond, on l'entend. De derrière les fagots. Mais ça reste, malheureusement, ouais. C'est Célestin qui a dit en premier. C'est la règle, hein, les gars. Voilà, il y a Maître Ripley qui est là pour justifier en cas de litige. Célestin, du coup, on écoute ta proposition. Section d'assaut. Section d'assaut, sortie en 2012. Bonne réponse. Elle reste ta meilleure amie. Très bon ça, je kiffe ce morceau. Avant qu'elle parte de section d'assaut. Très très très très bon. Eh ben, bonne réponse Célestin, ça fait 200 euros ce matin pour toi, qui pourrait s'ajouter à ta cagnotte. On croise les doigts, c'est possible. Ça va se jouer maintenant, je te le cache pas, Florence. Sur ce troisième extrait. Ça va aller très vite en plus, parce que celui-là est... Allez Florence. Entendu, réentendu et réentendu. D'ailleurs, je me souviens même pas que c'était en 2012. Je suis étonné que c'était en 2012, ce truc. J'ai l'impression que c'était hier. Voici le troisième extrait, bonne chance. Florence. C'est Florence, cette fois-ci, qui l'a dit en premier. On t'écoute, Florence. Sai. Waouh, la bonne prononciation. Et tout bien. Nickel. Comme il faut. Ouais. Bonne réponse de Florence, un point, c'est bien Psy. Avec sa danse du poney. Bah, on avait quand même bien l'air ridicule avec ce truc. Hein. Sans blague. Il y a quand même quelques modes. Ça est. On prépare ça pour la semaine prochaine. Toutes les modes qu'il y a eu les 10 dernières années. Il y a eu ça. Il y a eu la tectonique. Il y a eu. Dis pas tout parce que sinon les gens vont faire. C'est vrai. Tais-toi. On a compris. Et on va préparer ça pour la semaine prochaine. Tous les trucs bizarres par lesquels on est passé ces 10 dernières années. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on a oubliés même. Tu vois. Célestin, Florence, pas mal. Florence qui gagne un point, 100 euros potentiel si jamais tu deviens maître du duel. Florence, c'est possible, mais là, il faut faire du sans faute à partir de maintenant. Bonne chance à tous les deux. Voici le quatrième extrait. Florence, on t'écoute. Ah bah oui, ça c'est facile de dire son prénom. 3, 2, 1. Non. Célestin, une proposition. Carly Rae Jepsen. Bim et baf. Ouais, ouais, ouais. This is crazy. Voyez, vous voulez dire le prénom pour aller plus vite, vous êtes piégé. Ouais. Voilà. Eh oui. Voilà. Parce que l'autre, en plus, a le temps de réfléchir. Voilà. Voilà ma Flo-Flo, tu t'es fait avoir. Bon, bah, Florence, ça va être compliqué pour ce matin, mais c'est pas grave, on peut se faire le dernier pour sauver l'honneur. Ça fait donc, en tout cas, pour maintenant, trois extraits trouvés pour notre ami Célestin, 300 euros potentiels. Enfin, je suis même bien parti, puisque de toute façon, là, mathématiquement, tu resteras maître du duel. Donc, 300 euros qui vont s'ajouter à la cagnotte. Peut-être 400 euros avec ce dernier extrait. Bonne chance. Célestin, au taquet, on t'écoute. Adèle. Eh ben, ça fait 400 euros, c'est ouais, ça, mais ouais. Euros dans la cagnotte de Célestin qui viennent s'ajouter aux 300 euros déjà gagnés. Wow. Ce qui nous donne 700 euros. Et Célestin reste notre maître du duel. Bravo. 700 euros dans la cagnotte de Célestin. Bravo, Célestin. En deux participations, hein, seulement. C'est la classe quand même. Ouais. Ah, félicitations, ouais, Célestin. Bah, ça fait du fric, hein, ça Adèle. Oh là là. Fric Adèle. Non, non, 5 oh, euros. Oh, purée. Quoi, elle est bonne, non, les gars. Non, 5 euros. 5 euros. La fric Adèle est bonne, ouais. Mais ça, c'était nul. Cagnotte, 5 euros. Hop là, voilà. On sait toujours pas ce qu'on va faire avec la cagnotte, mais il y a de l'argent qui se met dedans, deux en tout cas, ça, je vous le dis. Non, non, une fois seulement. Ah, ouais. Célestin, bravo. On te retrouve lundi à 8h05. Merci d'être passé. Passe un très bon week-end, Célestin. Révise bien tes merci. Classiques. Bon week-end à vous aussi. Et lundi, merci. Nouveau duel et encore de l'argent pour toi, mon Célestin. J'espère on croise les doigts. Bisous. Bisous. À lundi. Ciao, ciao, Célestin. Il y a Florence. Et ben Florence, on t'embrasse, ma chérie. Désolé, malheureusement, ouais, ça a été compliqué. C'est pas grave. C'est pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine, évidemment. On t'embrasse très fort, Florence. Bon week-end. Bisous. À bientôt, Florence. Bisous. Et c'est énorme ce duel énergie. Si vous aussi vous voulez participer au duel énergie et tenter de trouver les extraits qu'on vous diffuse chaque matin entre 8h05, je suis sûr que dans la voiture vous êtes super bon et vous vous dites pourquoi pas. Eh ben franchement, faites-le. On vous offre la possibilité de gagner de l'argent. Il n'y a jamais de perdant. À chaque fois, dès qu'un maître du duel est détrôné, il repart avec sa cagnotte. Donc faites-vous plaisir, inscrivez-vous, vous envoyez duel plus votre prénom maintenant au 6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Duel plus votre prénom au 78, bonne chance et rendez-vous lundi 8h05 pour un nouveau duel. Le duel énergie. C'est le 6-9. Chaque samedi dès 10h, vous découvrez les hits les plus chasamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis avec Jérém et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. Choisir votre plat dans ce restaurant thaï, ça vous prendra bien 5 minutes. Et le 214 ? Mais ça pique aussi, hein. Oh, hum. Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. Marc-Foisin ! Salut, bon pays ! C'est quoi ce pull de toutes les couleurs ? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah ? Oui, chez Gamma, pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir, alors ? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux, et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein ? On y va ? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma ! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. Oui, petit message pour ma voisine qui écoute la radio. C'est pour lui dire merci de ne pas dire à ma femme que ce 23 novembre, c'est Black Friday chez Mania et Luxus. Ils font moins 20% sur toutes les chaussures, donc pas besoin qu'elle la prenne. Hein. Chérie, je t'entends à la radio. Ah zut, et en plus, ils prolongent tout le week-end. Chaussures Mania Luxus. Alors, joyeux ? Conditions sur manialuxus.be. Approchez, Dreamville, Black Friday, chez Dreamland. Aujourd'hui, il y a 10% de réduction sur tous les jouets à partir de 50 euros d'achat. Jusqu'à 21h en magasin et minuit sur dreamland.be. Ça, c'est un deal. Dreamland. Tout est Dreamland. En jouant, conditions sur dreamland.be. Envie d'un délicieux parfum, d'une crème nourrissante ou d'un rouge à lèvres séduisant ? À l'occasion du Black Friday, Ici par XL vous offre 15% de réduction sur tout l'assortiment. Uniquement aujourd'hui, aussi sur iciparxl.be. Ici par XL, tellement toi. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Jusqu'à 50% de réduction Black Friday sur toutes les cuisines d'expo, c'est cette semaine, même ce dimanche 25 novembre. Info sur ixina.be. Ixina. Toujours avec vous. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris, et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353€ TVA comprise. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Tout le monde célèbre le Black Friday. Mais chez CEA cette année, le Black Friday est prolongé. 20% de réduction durant tout un week-end sur toute la collection. 20%, vraiment, maintenant chez CEA. La chance est partout. Le prochain millionnaire loto est peut-être assis sur une immense fortune sans le savoir. Et oui, car une petite pièce qui se cache entre vos sièges de voiture suffit pour remporter le jackpot loto de 2 millions d'euros. Alors, tentez votre chance pour le tirage de ce samedi. Loto, parce que c'est possible. Aldi et ce que certains en pensent. Il y a encore des gens qui pensent un apéro avec des produits Aldi. Oh non, que diraient mes invités ? Ah là là. Eh bien, chez Aldi, nous sommes sûrs qu'ils diraient « Mmm, c'est bon !» Parce que des cacahuètes au saucisson et du gin au tonic, nos amuse-bouches et boissons sont aussi bons que ceux des grandes marques. Des tests indépendants l'ont prouvé. Vous ne le croyez pas ? Découvrez tous les résultats des tests sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, faites goûter vos invités. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise ? Si de l'eau s'y glisse et qu'il gèle, il risque de s'agrandir. Faites-le donc réparer avant qu'il ne gèle. Chez Carglass, cela ne dure que 45 minutes. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. 8h21 sur Énergie, Louane, Julien Doré avec Midi sur Novembre, c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Un petit point sur les routes, mon Yannick. C'est toujours perturbé entre Arlon et Sterpenich, vous perdez 40 minutes. Trafic perturbé également sur le ring intérieur de Bruxelles entre Waterloo et le carrefour Léonard, vous perdez 24 minutes. C'est globalement très très compliqué dans tout le centre de Bruxelles. Trafic perturbé entre Bruxelles et Dessous, vous perdez 16 minutes. Enfin, c'est compliqué également à Bernissart, vous perdez 13 minutes sur cette route. J'ai un petit vrai-faux. Des caprices de stars. On sait que les stars sont capricieuses. Ouais. On va jouer à ça dans un instant. Je vais vous donner des caprices et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Alors, un exemple, Céline Dion qui exigerait que sa loge et son dressing soient maintenus à 23 degrés. Ah. Est-ce que c'est un caprice de Céline Dion ou pas ? On vous dit tout ça dans un instant. Après, Louane et Julien Doré, restez là. Il est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La bière en ton désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Sur novembre, et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. ça donne bien, mais on sait pas ce que tu dis. Comme Julien Doré, je pense. Ouais, c'est vrai que midi sur novembre. On comprend pas trop ce qu'il dit non plus. Ouais, c'est ça, quoi. Dans un instant, Dean Lewis qui va arriver côté vite fait un petit vrai faux des caprices de star. Vous allez halluciner. Alors, à votre avis, Céline Dion, est-ce qu'elle demande ça, que sa loge et son dressing soient maintenus à 23 degrés? Oh, ça me paraîtrait ouf, mais en même temps, c'est Céline. Hein. Céline, elle a tous les droits. Hein. Ouais, elle peut faire ce qu'elle veut. Eh bien, je t'aime bien dans 23 degrés. Là. C'est vrai. C'est vrai, elle exige ça, la chère Céline. Incroyable. C'est marrant, c'est incroyable. C'est ouf. Je vous en donne, il y en a des pépites, hein, je vous le dis. Catherine Deneuve, vous voyez le monument du cinéma français, oui, quand même, ouais. Catherine Deneuve. Eh ben, elle exige à chaque fois, dans les hôtels où elle dort pour les tournages de films, elle y va à une seule condition, que sa chambre soit décorée de pivoine blanche. T'es sérieux? Pas relou, la nana, quoi. Ouais, allez, moi je dis que c'est vrai. Ouais, moi aussi, je dis c'est vrai. Mon avis. Mais non. C'est une vérité. Wow. Oui. À votre avis, Jean Dujardin, il avait fait le film Un homme debout, c'était avec Virginie Efira, je crois. Ouais. C'est quand il est tout petit, un gars qui est très petit et qui drague Virginie Efira. C'est, il joue le rôle d'un personnage de petite taille. Ouais. Et ben, est-ce qu'à votre avis, il aurait exigé que son nom apparaisse en énorme sur l'affiche, le plus grand? Ça m'étonnerait même pas. Non, moi, non, je dis oui. Il n'est pas comme ça. Si. Non. À mon avis, ça doit cacher quand même un certain nombrilisme. Oui, il est comme ça. C'est vrai? Ouais, il a demandé ça, que son nom soit le plus grand c'est sur l'affiche. Dit. Alors que le mec jouait quand même un petit. Donc, pas très très logique. Ouais, et c'est un homme à la hauteur. Oui. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu exigerait sur chaque tournage 10 litres de vin rouge français d'une marque bien connue. Ah oui. Est-ce que ça c'est m'étonnerait vrai ou pas de GG. C'est quand même beaucoup, 10 litres. Est-ce que mais c'est GG. Vrai ou faux? Allez, vrai. Ouais. C'est faux. Non, quand même pas. 3 litres seulement. Non, non, même pas. Il exige. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il a beaucoup du mal à retenir ses textes. Et il est habitué à donner ses textes à ses partenaires, Gérard Depardieu. Tu sais, qu'on lui tienne son texte. Sauf qu'il a fait ça une fois avec John Malkovich. Oh, l'embrouille, fieux. C'est vrai? Ah ouais, John Malkovich a super mal pris et clash. Et voilà. Quoi, donc normalement, ses partenaires tiennent ses feuilles avec son texte. C'est incroyable, hein? C'est ouf. C'est incroyable. Ah, celui-là, il est magique. Karine Le Marchand. On la surnomme la princesse dans l'émission L'amour est dans le pré, parce qu'apparemment elle exigerait des tapis en mousse pour pouvoir rester en talons sur le tournage en campagne. Non, je pense en que campagne. Non. Ouais. Non, je pense qu'elle est vraiment cool, Catherine Le Marchand. Bah, c'est quand même une diva, tu sais. C'est vrai. Mais c'est moi vrai. Je me mets à ça. Mais non. Elle demande ça, les gars. Elle demande ça, des tapis en mousse pour être en talons. Et je t'en foutrais, moi, des bottes en caoutchouc. Bah, moi, c'est savais, ça, ouais. La meuf, elle marche va en pré. Oh, je lui dirais, vas-y, Fifi, prends l'acier, marche dans la boue. Mais ouais. Allez, je finis avec ça. Il y en a plein encore. Je les garde sous le coude parce qu'on se le refera. Ça, il y en a tellement des pépites. Danny Boone, le ch'ti préféré des Français. Apparemment, dans le film Radin, il aurait exigé un cachet de 45 000 euros par jour de tournage. Qui est quand même beaucoup. En plus du cachet. Vraiment, ouais. En plus du cachet. Ouais. 45 000 par jour. Oh, ça c'est me paraît énorme. Énorme. Moi, c'est faux. Énorme. Ouais, faux. Ouais, non. Eh ben, c'est vrai. Oh là là. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. J'en ai encore plein, je vous jure, sur Vanessa Paradis, sur Audrey Tautou, sur Virginie Efira, notre belge nationale. Eh ben, vous savez quoi, je les garde au chaud. On refera ça une prochaine fois. Un vrai faux des caprices de star, parce qu'il y a des trucs encore dingo là-dedans, assez incroyables. Enfin, moi, le truc préféré, c'est Karine Le Marchand, quoi. Et moi, j'en ai un dans l'équipe. Il y a un caprice de star ici. C'est qui? Marco exige qu'on aille au grec tous les vendredis midi. Évidemment. C'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Ouais, alors qu'on a vraiment pas envie. Oui, c'est ça, bande de mythos, vous étiez premiers à courir. Allez, bougez pas, PE qui arrive pour son débrief juste après. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, chez Léonidas, on trouve des Saint-Nicolas au chocolat. Chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et déjà à partir d'€1,60. Léonidas, la boîte à bonheur. Calvin Harris, Sam Smith, c'est ce qui va arriver juste avant le débrief de PE à 8h35. C'est le moment magique du vendredi. Avant ça, voici l'actu, la météo pour aujourd'hui. Quelques pluies, du brouillard et du givre sur les routes ce matin. Ensuite, on devrait profiter d'éclaircies en cours de journée et d'un temps sec en fin de journée. Des nuages se feront un peu plus nombreux. Il fera doux aujourd'hui. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés. L'information de ce vendredi 23 novembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. La société de transport en commun de la Haine a décidé que ses bus ne s'arrêteront plus aux arrêts à la gare du Nord. L'entreprise avait déploré des nuisances autour de la gare et avait demandé à la région bruxelloise de résoudre ces problèmes, ce qui n'a pas été fait selon de la Haine. Les premiers froids poussent certains sans-abri à trouver refuge là où les bus s'arrêtaient. L'endettement recule en Belgique. Selon les dernières données de la Banque Nationale, le nombre de personnes admises à la procédure en règlement de dette a diminué en ce qui concerne l'année 2017 et le montant de leurs impayés diminue en moyenne de 570 euros. Selon la Banque Nationale, ces résultats sont dus en partie à une amélioration de la conjoncture économique et au recul du chômage. Les négociations sur le plan de restructuration des éditions de l'Avenir ont été rompues hier soir. Les permanents syndicaux ont déposé un préavis de grève. La délégation syndicale refuse tout licenciement et refuse également que la direction choisisse les bénéficiaires de la prépension. La phase d'information se poursuit et une assemblée du personnel est programmée aujourd'hui à 14h. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord provisoire sur leurs relations après le Brexit. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé qu'il allait bloquer cet accord. Pedro Sanchez regrette de ne pas recevoir de droit de veto concernant les futures négociations au sujet de Gibraltar. Cet endroit pose problème. Il s'agit de ce petit état situé au sud de l'Espagne mais qui appartient au Royaume-Uni. Enfin, en football, aujourd'hui se tient le tirage au sort de l'Euro Espoir. Les espoirs belges connaîtront donc leur adversaire pour le tournoi qui se déroulera en Italie du 16 au 30 juin 2019. Pour le tirage, les 12 équipes qualifiées ont été réparties en 3 chapeaux, sachant que l'Italie, en tant que pays hôte, occupera la première position du premier des 3 groupes. Papa, si tu mets pas le 6-9 sur énergie, je rangerai plus jamais ma chambre. Le 6-9 sur énergie. T'as bien raison, mon garçon. Rébellion. 8h34, bonjour. Bonjour. C'est le 6-9 comme chaque matin pour vous réveiller, pour vous accompagner jusqu'au boulot, à l'école. On a dans un petit instant Calvin Harris qu'on écoute maintenant, Aya Nakamura côté hit et le débrief de PE. Ouais, ouais. Ouais. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling. said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 8h36 sur Énergie, Aya Nakamura qui va arriver dans un petit instant. Qui va arriver avec toutes ses copines, avec Nikos notamment. Ça va être dans un instant sa plus grande copine, Nikos. Aya Nakamura, on l'écoute. 8h36, c'est comme chaque vendredi, les copains. C'est notre PE national. Faites du bruit, s'il vous plaît. PE, PE, PE, PE, PE, PE, PE, coucou, coucou, coucou les fifous. Alors plus que pas longtemps, et c'est le week-end. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alors, oui, je sais, je chante du Laurie sur Énergie. Alors que Laurie. La seule radio qui diffuse encore ses chansons, c'est... Je déconne, même sur Nostalgie, ça ne passe plus. Attention, attention, je ne dis pas que Laurie est vieille, mais bon. D'un point de vue auditeur d'énergie, Laurie, c'est déjà une MILF. Allez, jingle. PE est sur Énergie. PE est sur Énergie. Chaque vendredi, dans le 6-9. Oh yeah. Alors, pour commencer, direction la gare de Bruxelles Midi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version belge du Bronx. Le week-end dernier, un homme qui s'était lancé comme défi de relier Shanghai-Paris à vélo a décidé, après 15 000 km, de faire une escale à Bruxelles Midi. Et bim, pas de bol, il s'est fait voler son vélo. C'est vrai. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que ce cycliste a été foutre à la gare du Midi. Il n'y a rien à faire à la gare du Midi. Tu sais, après 15 000 km à vélo, tu ne visites pas, tu te reposes, tu te détends. À la limite, tu vas à la gare du Nord pour des raisons évidentes de soulagement. Mais tu ne vas pas à la gare du Midi. La gare du Midi, c'est la porte d'entrée du Mordor. T'as pas un anneau à faire fondre, laisse tomber. Alors le gars, ça fait pas 24 heures qu'il est en Belgique, il a déjà remarqué à quel point notre police est efficace. Dans un statut Facebook, il a dit, je cite... J'ai déjà signalé l'affaire, mais l'efficacité de la police n'est pas des meilleures. Ils n'ont pas pris l'affaire au sérieux. Ça, je le crois. Ça, je le crois, car à l'époque, mon père s'était fait voler son ordinateur portable à la gare du Midi et la police lui avait dit « On ne peut rien pour vous. En revanche, on peut vous dire où votre ordinateur sera peut-être en vente cet après-midi. » Voilà, voilà, hashtag efficacité. La justice à la gare du Midi, c'est comme le Père Noël, on finit par ne plus y croire. Sinon, depuis peu, la presse belge s'attaque aux fake news. Génial! Faudrait juste que la presse belge arrête de faire des copier-coller de l'agence belga, parce qu'en Belgique, la presse est capable de te mettre la même faute d'orthographe dans 4 journaux différents. En fait, entre copier et coller, ils devraient juste ajouter une petite étape qui s'appelle lire. Et pour plus de crédibilité, faudrait que la presse belge arrête de parler de la fin des travaux du palais de justice de Bruxelles, car ça, c'est le festival de la fake news. La semaine dernière, la presse annonçait la fin des travaux en 2030. Il y a 3 mois, ils annonçaient la fin des travaux en 2040. Il y a 6 mois, ils annonçaient la fin des travaux en 2026. En fait, la presse belge, c'est comme la météo, hein. Ça reste très approximatif. Même les témoins de Jéhovah sont plus précis quant au retour de Jésus. Alors le débrief de la semaine. Lundi, les incendies en Californie ont fait tellement de victimes qu'on attend toujours la revendication de l'État islamique. Toujours lundi, toujours en Californie. Le rappeur Snoop Dogg a reçu son étoile sur la célèbre avenue Walk of Fame Hollywood. Pour l'occasion, je vous refais mes vannes préférées sur ce rappeur que je kiffe, parce que pour moi, Snoop Dogg, c'est un dieu, quoi. Tu sais, il a une voix particulière, il a un corps particulier, puis bon, c'est quand même le premier rappeur au monde atteint d'Alzheimer. Respect. Pourquoi ? Si, Snoop Dogg, il a Alzheimer. Dans toutes ses chansons, il épelle son nom de scène. Il l'oublie ou quoi ? Tu sais, dans toutes ses chansons, tu peux entendre S-N-R-P, Digga da Belgique. Félicitations, mec, t'en as pas oublié une seule. Tu peux te présenter à Motus. C'est fait pour toi, fonce. Alors, si jamais pour imiter Snoop Dogg, c'est relativement simple, il suffit de penser à un canard, mec qui aurait fumé trop de bœufs. J'ai pas de meilleure explication. Mardi, Emmanuel Macron était en visite à Louvain-la-Neuve. Normal qu'il ait choisi ce campus, ça lui rappelle de bons souvenirs. D'ailleurs, le recteur aurait fait un mot très sympa sur Emmanuel Macron en disant que c'était un étudiant très doué, très fort. Et c'est vrai qu'il était très fort, lui, il a pas sauté une année, il a sauté sa prof. Mercredi à Colmar, en France, un automobiliste furieux de ne pas pouvoir accéder au McDo décide de sortir sa tronçonneuse pour forcer un barrage de gilets jaunes. Ça, non, il ne s'agit pas de Frisco. Bien que je l'imagine tout à fait, une tronçonneuse à la main en criant « Je veux mon Big Mac !» Ce C'est fort possible. Dis... C'est peut-être quelqu'un de la famille finalement. Et je dis, direction le Japon, où le nouveau ministre de la cybersécurité a avoué n'avoir jamais utilisé un ordinateur. Au pays de la technologie, ça paraît impensable. C'est comme si au Vatican, un curé te disait, moi j'ai jamais touché d'enfant. Oh, non, tu peux pas, non. C'est tellement mignon pour terminer la semaine. Et là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente journée. À la semaine prochaine. Oh, il peut pas. Oh, attends, je suis encore en digestion de la dalle. Non, non, ne parle pas de digestion avec une blague pareille, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Oh. Faites du bruit pour Père, s'il vous plaît. Allez. Spectacle évidemment avec optimisme. Ah génial. Ah c'était bon. Le 29 novembre à Paris avec le Made in Bruxelles Show, ça c'est génial. Il y a aussi le du 11 au 12 au 22 décembre à Rennes au Café Théâtre le Bacchus. Oui, ça ça va être chouette. Je ne me laisse passer. Bon, d'ici le 11 décembre, j'espère quand même. Le 25 janvier à Dolin, on a aussi le 16 février à Toulon. Avant ça, chouette date qui vient de se rajouter, Charleroi. Ouais, Charleroi le 8 février, les copains. Moi, je viens, venir. Je viens venir. Je suis tellement choqué que voilà. Je vais venir. Il y aura le 4 avril aussi à Differdange et le 19 janvier, une nouvelle date aussi qui vient de se rajouter. Fifou, ça c'est génial. C'est pour les Liégeois qui nous écoutent. Ça sera à Liège, à la Comédie en Île. Voilà. Yeah. Et en spectacle, bébé. Il revient la semaine prochaine, évidemment, dès 8h35 sur Énergie pour le débrief de PE. Merci beaucoup, c'était énorme. Merci. Merci à vous. Merci, PE. À la semaine prochaine. PE est sur Énergie. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le 6-9. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Fresh one. dans un petit instant, Open Mic qui va arriver sur Énergie, 8h45. Bon vendredi tout le monde, c'est le week-end. Ah, c'est chouette. Ça fait plaisir. Ouais, PE qui vient de passer un instant avec le débrief de PE. Si vous avez loupé ça, énergie.be pour le replay. Et un petit message qui est arrivé. Et d'ailleurs, on a des petits messages. Hein. Valérie qui a dit sur le groupe Défi Foot du 6-9 sur Énergie, hein, sur Facebook. PE, excellent, j'ai dû m'arrêter de rouler tellement je ris. Excellent. Voilà. Ouais, très, très, très, très bon. PE qui sera de retour la semaine prochaine. Bah, tu m'étonnes. 8h35, c'est le rendez-vous du vendredi. N'hésitez pas à les réécouter en replay. Et on vous met la vidéo là dans les minutes à venir. Ce sera sur notre groupe Facebook et la page aussi Énergie Belgique. Voilà, comme ça vous partagez à tous les fifous. Open Mic côté dans un petit instant. La semaine prochaine, on a 2000 euros de vacances pour vous. Trop chouette. Eh ouais. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Ouais, trop cool, 2000 euros de vacances pour aller à la montagne ou pour aller à la plage. Vous allez pouvoir choisir la destination. On vous offre ça dès lundi. Soyez à l'écoute, ça va être énorme. 2000 euros de vacances, ça tombe bien en plus, puisqu'on va arriver dans la période de vacances, ça, pour les vacances de fin d'année. Ceux qui voudraient partir. C'est vrai, c'est clair. À la montagne. Bah ouais, faire la fête de Noël. Oh, c'est mon rêve. Je vous jure, c'est mon rêve. On en parlait cette semaine. Tu voulais être dans un petit chalet avec un feu ouvert. Le kiff total. Et alors le soir, tu te fais une petite raclette. Oh là là. Arrêtez, vous me faites rêver. Et après, en dessert, des petits moelleux au chocolat. Oh oui, que quand tu mets la cuillère, ça coule. C'est le principe du fondant au chocolat. Non, bah, moelleux. Moi, j'ai dit. Vrai. Ah, bim. Ah, toi, tu mets la cuillère et puis ça coule. Ben oui, si tu mets la cuillère. Allez, hein, mais vous êtes dégueulasse. Mais non, mais on parlait pas de ça, on parlait du moelleux. Ben, moi aussi, je te parle du moelleux. C'est très bien. C'est avec la fourchette. 2000 euros de vacances la semaine prochaine, les fifous. Soyez à l'écoute, on vous offre ça. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Alors, j'ai ce modèle-ci avec écran AMOLED Full HD. Ah ouais, mais le. Ou alors celui-ci avec ses deux objectifs photo. c'est vrai qu'il est bien. Ouais, mais Regardez celui-là qui tourne sous iOS. D'accord, mais le souci est que. Oui, dites-moi. Bah, comme je vous disais, j'ai que 9 euros sur moi. Oui, 9 euros, j'avais bien compris. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be. Péconique, c'est le paiement mobile tout simple, déjà chez plus de 50 000 commerçants. Bientôt chez vous ? Regardez vite sur péconique.be. Le Black Friday, c'est aussi le Black Weekend à la Fnac, et même le Black Lundi. Consultez nos heures d'ouverture du dimanche sur fnac.be. Fnac, libérez votre curiosité. Colishop prolonge son Black Friday jusqu'au Black Monday pour économiser votre money, soit du 23 au 26 novembre. Info sur colishop.be. C'est Black Friday chez Planète Parfum. Minimum moins 23% sur tout l'assortiment dès le 23 novembre et tout le week-end. Planète Parfum, fan de beauté. Aussi sur planèteparfum.com. Oui, petit message pour ma voisine qui écoute la radio. C'est pour lui dire merci de ne pas dire à ma femme que ce 23 novembre, c'est Black Friday chez Manier et Luxus. Ils font moins 20% sur toutes les chaussures, donc pas besoin qu'elle la prenne. Chérie, je t'entends à la radio. Ah zut, et en plus, ils prolongent tout le week-end. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux. Conditions sur manierluxus.be. Chérie, je crois que ça y est, le bébé arrive. Quoi déjà? Tu pourrais pas attendre jusque janvier? Hein? Bah oui, comme ça on pourra choisir notre caisse d'allocation familiale. Janvier? Mais je tiendrai jamais jusque là. Vous attendez votre premier enfant? Dès le 1er janvier, choisissez votre caisse d'allocation familiale. Famiwall, Camille, Infino, Kids Life ou Parentia. Plus d'infos sur avic.be/famille. Les allocations familiales en Wallonie, la simplicité pour tous. Un message de la Wallonie. Voisin. Salut Bompi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein? On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. Parce qu'on peut avoir envie d'une voiture avec un équipement maximum. Waouh, elle a le GPS, le cruise control, le Bluetooth. Tout en payant un prix minimum. Et même la peinture métallisée est comprise. Skoda présente l'Octavia Combi Expedition super équipé à partir de 17 950 euros. Découvrez le break le plus vendu en Belgique sur skoda.be. Skoda, Simply Clever. Offre soumise à condition. Prime de recyclage déjà déduite. Tout le monde célèbre le Black Friday. Mais chez CEA, cette année, le Black Friday est prolongé. 20% de réduction durant tout un week-end sur toute la collection. 20%. Vraiment. Maintenant chez CEA. C'est décidé. Je n'utilise plus de sacs plastiques. C'est décidé. Je diminue ma consommation d'énergie. C'est décidé. J'achète mes produits à la ferme. Agir de manière responsable, nous le faisons déjà tous et tous les jours. Et si nous faisions la même chose avec nos investissements ? Chez CBC, nos experts vous accompagnent et vous proposent une gamme de fonds de placement qui respectent vos attentes et aussi vos valeurs. Découvrez nos investissements responsables sur cbc.be/respectinvest. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Saint-Nicolas ! Jouet Bros, fournisseur de bonheur. On a du Offenbach pour vous dans un petit instant. Magnifique, on va finir en beauté avec un Radio World, les copains, ce matin. J'ai envie qu'on appelle en Slovaquie. Le mec, il a fait le mot gagnant tout seul dans sa tête. Il a fait avec un S. Bah ouais, Slovaquie. On va appeler en Slovaquie ce matin. Ça peut être drôle. Slovaque, ouais. Alors. Il vous reste 3 minutes là pour chercher comment on dit bonjour et quelques mots. On check ça et on fait ça juste après Offenbach et un petit point sur les routes maintenant, Yannick. Ouais, le trafic est toujours perturbé entre Arlon et Sterpenich. Vous perdez 35 minutes. Trafic perturbé également entre Woluwe, Saint-Etienne et les 4 bras de Terburen. Vous perdez une vingtaine de minutes. Globalement, c'est très compliqué dans tout le centre de Bruxelles. Le trafic est toujours perturbé entre Dessous et Gueuzé, vous perdez 17 minutes. Et enfin, un accident à signaler, la voie centrale est bloquée sur la E40 de Aix-la-Chapelle à Liège. Sur Énergie, dans un petit instant, c'est Alvaro Soler qui va arriver pour vous sur Énergie. Avant ça, on va se faire un petit Radio World ce matin. Radio World en Slovaquie. J'ai envie qu'on appelle en Slovaquia. En Slovaquia. Slovaquia. Slovaquia. On va faire ça maintenant. On va appeler en Slovaquie. Est-ce qu'on a eu le temps rapidement de choper les souris? Bisous, mon pieu. Tu t'en vas? Oui, il s'en va. J'ai fait un bisou en direct. Il regarde Narcos. Il retourne chez lui.

que nos bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura, la cintura. On vous souhaite une belle journée avec Tanguy qui va vous accompagner là d'ici quelques minutes pour la playlist partagée. C'est rappelle-nous qui ce matin ? Satsutsuki. Satsutsuki. Je connais pas du tout. C'est la playlist qui va arriver dans un petit instant. N'hésitez pas à aller faire la vôtre aussi sur energie.be. On a fait la nôtre. Elle arrive quand Je suis pas le garant des playlists. J'ai un indice, mais je suis pas sûr, donc je sais pas. Et bon, j'espère la semaine prochaine, les gars. Je pense que c'est lundi, mais je veux pas m'avancer. Ah, mais c'est normalement lundi matin. Ça serait une bonne nouvelle. Vendredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, on sera en live l'émission en public, la dernière du mois. Et on aura Léa Passy qui sera notre invitée. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. Léa Passy qui sera avec nous vendredi prochain pour l'émission en public. Si vous voulez venir, inscrivez-vous, energie.be. Il reste très très peu de place, hein. Ça va être vite full, donc faites vite les fifous. Energie.be, si vous voulez être là vendredi prochain, on vous offre le petit déj, il y a des petits cadeaux aussi qu'on vous offre. Et puis, puis Léa Passy quand même qui sera là. La classe. En pyjama, en nuisette, j'espère. Et nous aussi, ainsi, d'ici vendredi prochain, on arrive à 10 000 sur Instagram. On n'est pas loin, il reste encore 1000 et quelques. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais voilà. Tu sous-estimes nos auditeurs. Mais non, là. Pas du tout, au contraire. Si vous dites que vous pouvez le faire, faites-le. C'est les fifous du 6-9 sur Energie pour nous retrouver sur Instagram. Tout simplement. Et donc, si on a 10 000, on sera en nuisette. Voilà, on est à 8650. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais oui. Mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont venir nous voir. J'y crois pas, je pense aussi. Les fifous du 6-9 sur Énergie, si vous voulez nous voir en nuisette vendredi prochain, on est d'accord que non. Hein. Bon. vous venez nous rajouter sur Instagram. Si on arrive à 10 000, on fera l'émission en nuisette. Marshmello qui va arriver pour la suite des hits avec la playlist personnalisée. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Oh bah ouais. Mais on revient lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents sur les routes. Bon Black Friday aussi aujourd'hui. Les filles, profitez-en bien. Courage avec les gilets jaunes aussi. Courage à ceux qui font les gilets jaunes et courage à ceux qui, malheureusement, sont un peu emmerdés avec les gilets jaunes. Il faut dire ce qui est. On vous embrasse. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci sur Énergie. Qui va sortir en 2019. On vous a mis la bande-annonce sur notre Facebook et le Instagram aussi. C'est une occasion de venir. Les fifous du 6-9 sur Énergie magique. La bande-annonce, moi j'ai déjà envie de prendre mes tickets. Je ne sais pas s'ils sont déjà ouverts. Mais... C'est super beau, hein, je trouve, en 3D. Et tout. Ça va être magnifique, ça, vraiment. Ça bon week-end, Tiffany. Oui, merci. Bon week-end. Merci. Bon week-end, moi j'aime. Bon week-end à toi aussi. Et bonne PS4. Hein. Oui, merci. Bon week-end, mon Frisco. Bon week-end, mon poulet. Bon week-end, les fifous, on vous embrasse. Et à la Le 6-9 revient. Lundi, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Mac voisin. Salut, bon pipi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein. On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusqu'à 20h. Conditions sur gamma.be. Énergie. Énergie. Hit music on the